Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandrine Pichessière donnera une visite guidée à vos parents dans la crème de la crème. Cindy Gilbert activera votre santé dans sa chronique santé. Activez votre santé, vous avez compris. Et Stéphanie Paradis ira avec nous le plus récent sur le campus. Assemblage requis commence tout de suite. On se met en transe pour Assemblage requis. Bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées en ce mercredi 12 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios, c'est fois à Trois-Rivières. Ça va, Steph? Hey, hey! Hey, hey, hey, ho, ha, hey, ho, ha! Hey, ho, ha! Non? Ha, ho, hi. Ha, ho, hi. Ouais, ben, c'est ça. Ha, ho, hi, c'est comme, comme quand t'es enceinte. Hein. Tu veux accoucher d'une émission de radio. Ha, ho, hi. Je sais pas, ça fait mal. Je sais pas, mais... C'est surtout si c'est toi. T'as l'orifice inapproprié à l'accouchement. C'est vrai, merci. Je vais prendre ça comme un compliment. Si tu veux. C'est ça. On va vous masser le ventre aujourd'hui avec notre émission. On a tellement du contenu féminin aujourd'hui que ça va être comme avoir plein de mains de filles sur votre bedon, de l'accoucher. Là, c'est pas accoucher que ça te ferait faire, ça. Là. Une belle, grosse, un paquet. Un beau paquet. Voilà. De chronique. De crotique. Chronique. Ouais. Donc aujourd'hui à l'émission, on va voir Cindy Gilbert à 8h pour sa chronique Activer votre santé. Cette fois-ci, cette semaine, c'est quand les muscles veulent des protéines. Oh! Intéressant, quoi faire pour avoir des protéines dans votre vie? Hein? Qu'est-ce qu'on mange? Hein? Qu'est-ce qu'on mange pour avoir des protéines? Des enfants. Des enfants. Des cuirs. Là, tu grignotes les petites pattes. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Il n'y a rien de malade, vraiment. On vous juge pas du tout. Ensuite, à 8h30, on va avoir la chronique UQTR en spectacle 2014. On fait ça cette semaine au complet, une semaine jusqu'à jeudi soir. Ben, en fait, jusqu'à jeudi matin, parce que le spectacle est jeudi soir, le 13 mars à 19h, au Cégep de Trois-Rivières. On va en parler avec Joanie Gagnon et le théâtre des Poils à bois. Ah? C'est avec eux qu'on va parler tantôt. Intéressant. Ça va être hot. Oh yeah. Ensuite de ça, à 9h environ, Stéphanie Paradis, tu vas nous parler du plus récent Zone Campus. Ben oui. Avec une grosse controverse par rapport au café chasse à sarrasin. Oui, c'est ça. Donc, café à sa... la chasse à sarrasin. Tu mélanges avec ton café. Ouais, un peu. J'aurais peut-être besoin. Chasse à café, sarrasin. Serait beau des crêpes de sarrasin. Jocelyne Cazin. Je suis pas sûr que j'en mangerai. Ça vient de là, je pense, les crêpes sarrasin. Crêpes sarrasin, c'est ça? Gaufre sarrasin? Quelque chose sarrasin. Bref, Jocelyne Cazin. Bon. On va commencer par contre dans quelques instants avec Alexandrine Pichessier et sa collègue de la crème. Elle nous amène faire une petite visite guidée de la ville de Trois-Rivières, mais dans l'optique de plaire à vos parents qui viennent d'une autre région peut-être. Du Québec. Oui, d'ailleurs. Oui. Mais bon, il arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait à Trois-Rivières? Ben, on fait ce qu'Alexandrine nous suggère. Je pense que l'idéal, c'est pas d'aller au cinéma. Non? Parce que ça se ressemble tout, c'est les mêmes films, et tu peux pas leur parler. Donc la grosse sortie à Trois-Rivières, un cinéma, après ça on va au Walmart, après ça on va chez McDo. Ben, Walmart, non. Non, c'est vrai qu'il y en a à cette heure proche de chez ma mère. Ah, là, ça s'est rendu jusqu'en Gaspésie, ces affaires-là? Non. Non? Il est à Matane, le plus proche. Ah, OK, aïe. Ben, c'est juste 45 minutes non. de route. Il y a rien, là. On s'en va en ville. Bon, je suis Walmart, comme diraient mes grands-parents. Donc, on va commencer l'émission en musique. Un petit peu de Club Elgag. On n'entend pas ça très, très souvent à Assemblage requis, sûrement parce en partie parce que j'aime pas vraiment ça. Mais je sais que d'autres l'aiment. Toi aussi, je crois. Oui, j'aime bien. Donc, voici Club Elgag et son extrait comme des rames à Assemblage requis. J'ai croqué ta pomme d'Adam. Et depuis, je n'ai jamais eu faim de corridor autre que ton corps. Ton corps est sain de fleurs en glorieux. J'ai pris ton bateau en papier. Je n'avais jamais vu la mer avant, en botte d'eau ou même en soulier. Je n'avais jamais vu la mort avant. J'ai inventé une île à colorier. Mais je n'ai rien pour tailler nos crayons, comme des rames qui mais nos couleurs ont fini par s'estomper. S'asseoirait dessus pour exister. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était un appel outre-mer. Un coup de toi, c'est un coup de la terre. Je l'ai reçu en plein dans la vie. Que j'en ai avalé, mais tu sais le rhume que tu m'avais donné. Je l'ai perdu quand tu t'es noyé. J'ai hissé ton nom, ton visage, ta douceur au plus haut des mains de mon cœur. Pièce comme des rames de Claude Pelgag sur son album L'Alchimie des monstres, assemblage requis sur son palmarès francophone. Maintenant, Stéphanie, es-tu prête? Oui, pourquoi? Ben, parce qu'on va parler du meilleur journal ever made. C'est la collection de Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Et on reçoit la mouche, hein? Non, mais pourquoi tu m'as giflé? Avec un journal? Il y avait une mouche sur ta joue. Il y avait une mouche dans ta face. Ouais. Oh, je me suis trompée, c'était juste ta face. Ah, non. Donc, on reçoit la rédactrice en chef du journal Son Campus, ma co-animatrice aussi, Stéphanie Parrain. Allô. Il y a un nouveau journal qui vient de sortir aujourd'hui. C'est le volume 9. Hier, c'est vrai. Volume 9, numéro 13, avec en couverture la grosse controverse par rapport à la chasse à sarrasin. Oh, et en couverture, c'est la grosse... Ben non, controverse. La séduisante controverse sur la chasse à sarrasin. Ah, toi, des fois. Ben oui, donc, c'est le conflit du 10 % lorsque le conseil d'administration a autorisé l'association des étudiants du Michel Sarrazin, donc l'AEMS, à exploiter le local de l'AG au pavillon Michel Sarrazin pour en faire un café étudiant. Ben, un contrat qui stipula l'approvisionnement direct de la chasse à sarrasin à la chasse galerie au prix d'achat avec une charge supplémentaire de 10 % par commande a été signé. Donc là, ça fait plus l'affaire des gens de la chasse à sarrasin. Okay. Donc, ils ont demandé le remboursement de ces frais-là et c'était rejeté. De façon donc, rétroactive? Oui, donc okay. Là, ça fait controverse. Ben, j'imagine, oui. C'est quelque chose, tout ça. Ensuite, les élections à la GEQTR qui s'en viennent. En fait, la date limite pour déposer sa candidature était hier, le 11, et les étudiants sont appelés à voter maintenant. Non. Bientôt. Oui, bientôt. Incessamment, dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, ils ne peuvent pas voter maintenant parce qu'on ne connaît pas encore les candidats. C'est vrai. Donc, ils vont être dévoilés ce vendredi, si je ne me trompe pas. Donc, la campagne électorale à l'Université du Québec à Trois-Rivières débutera dès le 17 mars prochain. À la fin du mois de mars, les étudiants devront ainsi élire le prochain conseil exécutif de l'AGE-UQTR. Mm-hmm. Ah, je quitterai, comme on dit. La loi sur le... Ben, on vous en reparlera évidemment de tout ça. Ah ben oui, c'est sûr, on va en reparler à maintes reprises. Oui, vous allez être tanné d'en entendre parler. Ensuite, la loi sur le tabac, l'application va être plus stricte à partir du mois de mars. Donc là, c'est, j'imagine, maintenant, bientôt. Ah, je sais plus. Ben oui, donc Christian Montembeau, directeur du service de la protection publique, est responsable de l'application de la loi sur le tabac, ainsi que de la politique relative à l'application de la loi sur le tabac de l'UQTR, annoncé le 26 février dernier que ces lois et politiques seront appliquées de manière plus stricte qu'auparavant sur le campus. Donc, il va vraiment avoir des gens qui vont se promener sur le campus et donner des contraventions, des amendes. Est-ce qu'il va être déguisé en cigarette? Non. Ça crée des coups de poing. Pow! Hey, on n'est pas au primaire, là. Non, on n'a plus besoin de ça là, pour nous sensibiliser. Donc là, c'est pas de nous sensibiliser, c'est vraiment agir. Agissons! Local Trotter Québec est une application pour découvrir sa localité. Ben oui, Mathieu. Ben, dis-moi en plus. C'est Xavier Chambat, l'ancien étudiant en entrepreneuriat de l'UQTR, qui a dernièrement démarré son projet, sa propre entreprise, pardon. Donc, son projet, c'est une application pour iPhone, probablement pour iPod Touch. J'aime pas qu'on le précise pas. iPad. J'ai assez de pensées pour mon iPod. Je tiens à ce qu'on l'insère. Dans le texte. Attends un peu, tu l'aimes tant que ça, ton iPod Touch. Justement, je l'aime assez pour le protéger. Okay. Donc, une application pour iPhone, entre parenthèses, lire et autres, qui permettra aux gens de découvrir leur localité et d'autres régions du Québec. Donc, c'est vraiment le fun, là, ça fonctionne avec GPS. Donc, dès que tu arrives à un endroit, ça va te faire découvrir les endroits intéressants. Tu vas avoir aussi des quêtes à faire à l'endroit. Donc, il y a même une quête à l'UQTR sur le campus. Donc, ça donne le goût d'aller voir ça, hein? C'est très cool et j'aime leur petit logo. Je sais pas si c'est un porc-épic ou quoi, mais en tout cas, il est très cool. Un hérisson, probablement. Ensuite, la méthode Lean, je connais pas, mais on dit application dans le milieu de l'éducation. Donc, l'UQTR et la Commission scolaire du Chemin du Roi sont devenus partenaires afin d'améliorer les processus organisationnels de la Commission scolaire. Donc, cette contribution met à profit les compétences de Pascal Forget. Je sais pas si c'est du Forget ou Forgette, là. Moi, je dis Forget. À chaque fois que je passe devant son local, c'est Pascal Forget. Ah, il est où son local? Il est dans le petit corridor du pavillon de chaque côté. Là. À droite. OK. Albert. Donc, il est professeur au département de génie industriel de l'UQTR. Il s'est spécialisé dans l'amélioration de l'efficacité dans les services publics, entre autres par l'application de la méthode Lean. Donc, son mandat consiste à aider l'institution à trouver des solutions pour diminuer les coûts de fonctionnement et améliorer la qualité des services offerts. Intéressant. Ensuite, Sébastien F. Guertin signe sa collègue La Belle-Mère, qui porte le titre de « Affrontement, les deux solitudes ». Ben oui, donc, il entre vraiment dans le vif du sujet du conflit, donc, qui fait la une du journal. Donc, lui, vraiment pas la même approche que l'article journalistique, bien entendu. Donc, il dit que dans plusieurs universités, chaque département possède un pavillon distinct. Par ici, on constate plutôt l'existence de deux îlots, donc les psy, hein, psychoéducation et psychologie, et le reste. Donc, c'est la GUQTR, qui est l'acronyme, bien entendu, de l'Association générale des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, a pour mission de représenter et de fournir des services à l'ensemble des étudiants du campus. Donc, il est curieux de constater que certains ont senti le besoin de se regrouper hors de sa structure. Un texte d'opinion, bien sûr. Quand c'est sur une colonne comme ça, on peut s'attendre à de l'opinion qui frappe un petit peu plus qu'un article journalistique. Ouais, quand c'est vert, là... Quand c'est vert, tu sais. Non, mais vous irez voir le journal si vous comprenez pas. Tout est vert dans le journal. Ensuite, on parle de la semaine Cerveau en tête. Présentation de conférences gratuites. Ben oui, donc ça se passe présentement. C'est pas terminé. Vous avez jusqu'au 14 mars parce que ça se tient, bien entendu, la semaine Cerveau en tête, durant laquelle la communauté universitaire est invitée à assister gratuitement à des conférences données par des professeurs issus des départements de biologie médicale, anatomie, sciences de l'activité physique et psychologie. Donc, quand même très vaste. Il y aura une conférence par soir présentée de 19h à 20h30. Donc, ça touche vraiment à plein de sujets. La liste des sujets, bien entendu, on l'a dans l'article avec un petit résumé de ce qui peut vous attendre dans les conférences. Très bien ça. Ensuite, Génie en herbe, le quiz pour évaluer la culture générale des étudiants. Oui, dans le cadre de la Coupe des associations, l'événement Génie en herbe, rendez-vous de compétition intellectuelle, s'est tenue le mercredi 26 février dernier à la Chasse-Galerie. Donc, cette soirée a permis aux équipes participantes de mettre à l'épreuve leur culture générale par le biais d'un quiz. Donc, l'activité, c'est une collaboration entre la GUQTR et le Bureau des diplômés. Et cette année, c'est l'Association des étudiants en lettres et linguistiques qui a gagné. Puis moi, je viens de là. Ben oui. Puis là, je suis toute contente. Ah. C'est cute. Je voulais juste dire ça. Ben, félicitations. C'était mon commentaire éditorial. Si on veut. Portrait-reportage pour terminer la section actualité. C'est toujours Myriam Lortie qui rencontre quelqu'un sur le campus. Et là, c'est Karine Messier-Newman, étudiante et chargée de cours. Adopter une tribu, Mathieu. Adopter une tribu. Karine Messier-Newman est étudiante au doctorat en psychoéducation et donne un cours de baccalauréat sur l'intervention des jeunes en difficulté auprès des futurs enseignants. Oui, c'est ça. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc son parcours serait plutôt normal, si ce n'est qu'elle s'est retrouvée avec la charge de 5 enfants en chemin. Oui. Donc, 5 enfants, ça c'est comme 5 fois Mathieu Plante. Mais Colin. C'est d'ouvrage, je voudrais pas vivre ça. Moi non plus, en fait. On passe en société, et bien sûr, tout le monde dans le même ordre que toujours. Donc, commençons avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Qu'est-ce que la croyance de supériorité pourrait nous dire de l'être humain? Donc, la création de la Terre remonte à... il y a environ 4 milliards et demi d'années. C'est pas 2014! Dit un imbécile. Non, excuse-moi. Les gens ouais. qui ont... Non, c'est ça. Pas du tout. Vraiment. Donc, l'humain, lui, est apparu il y a environ 2 millions d'années, ce qui représente une place minime dans l'histoire de la planète. Toutefois, malgré cela, il semble que nous nous comportons comme si nous avions toujours existé et que nous détenions, moi, c'est bien ça, le monopole planétaire. C'est bon, les géniaux. Free. Ensuite, Nicolas Gauthier et sa chronique « Tout est bizarre ». La politique, ça sent les élections. J'adore les campagnes électorales, c'est un peu comme ma saison de hockey. Et malgré ma perpétuelle critique des politiciens et du système qu'ils portent, j'admire l'exercice du pouvoir en acte. C'est là un phénomène naturel. Et bien naïf serait celui croyant que l'exercice du pouvoir se limite au cadre politique. Bien vrai. La plombe dans la tête, c'est la chronique de Lily Brûlé-Saint-Pierre. Fais-moi peur. Donc, la lecture a toujours été encouragée par mes parents. Ils m'achetaient des livres, des bandes dessinées, des courtes échelles et Harry Potter en format poche. C'est bien certain. Mon père m'a toujours dit qu'on apprend à écrire en lisant. J'ai appris à lire patiemment des bouquins plus lourds, à passer au travers d'une histoire qui ne démarre qu'à la page 50. J'ai appris à lire de façon intellectuelle et cérébrale, à engloutir les descriptions interminables. Je m'éduquais certes, mais je m'ennuyais. Ah, puis il est bon son texte en plus. Ah. Elle écrit bien, aussi bien qu'elle lit, j'imagine. Ensuite, Jean-François Veilleux et Je me souviens au pouvoir citoyen. Mais oui, printemps érable, 2 ans plus tard. Le 14 mars 2012, la GUQTR votait en faveur d'une grève générale illimitée pour la première fois de son histoire depuis sa fondation le 19 mars 1975. Donc, retour sur cet épisode important de notre histoire québécoise récente. Exact, très important. Ensuite, changer la vie de Normand Leclerc. Morale, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Ah! Ouh. Rien qu'entendre le mot morale a de quoi soulever le cœur le mieux accroché. Si je veux être lucide, je dois convenir que le terme a mauvaise réputation. C'est un mot rébarbatif chargé d'un tort d'un fort contenu négatif. Avons-nous raison de le tenir en aussi piètre estime? Malheureusement, oui. Ah! Hein? On s'attendait pas à ça. Ben, hein? Ça donne le goût. Et changer la vie, c'est la 5e chronique d'une série de 8. On continue avec PRNDS de Jean-Samuel Gué. Il a fait un petit voyage Québec-Floride en Mini Cooper. Ben oui, donc... Là, je dis ma copine, je cite toujours. Ben oui. Ma copine et moi avons décidé de passer la semaine de relâche en Floride. Nous en avons assez du froid. Nous manquons de vitamines. La neige nous répugne. Je pense que c'est pas les seuls. Nous nous ennuyons de ces longues soirées chaudes. Évadons-nous. Nous y allons en avion ou en voiture? En 3 heures de route en avion, 30 heures en voiture, il y a 2700 km jusqu'à Pompano Beach en Floride. Allons-y en voiture, que l'aventure commence. Et si vous regardez dans le coin de l'article dans son campus, là, il y a la petite carte de son périple. Mais oui, on voit même son trajet. C'est cute à mort. Toujours en société, mais dans la sous-section loisirs, on retrouve évidemment le petit Zwicky illustré par Alexandre Laramé-Zwicky qui nous parle des élections avec un excellent jeu de mots. Alors, je pense que c'est sa meilleure. Moi, je pense que je vais même pas vous le dire. Non! On garde le punch! Pour le journal, il y a évidemment vos jeux Sudoku et autres. Ensuite, en opinion, une autre sous-section de société, c'est Jean-Sébastien Berthelot qui nous écrit un texte nommé « Conseil d'administration de petits points, manque d'éthique et non-respect des politiques ». Oui, donc au dernier conseil d'administration de la GUQTR, un nouveau contrat de travail est accepté par les administrateurs-administratrices. Donc, la restructuration administrative suite au renvoi de l'ancienne directrice administrative a mené à la création de nouveaux postes. La politique des ressources humaines de la GE demande à ce que tout poste vacant soit affiché à l'interne et à l'externe pendant une période de 10 jours ouvrables. Pourtant, pour un de ces nouveaux postes que je ne nommerai pas pour ne pas identifier la personne qui l'occupe, on a tout simplement décidé de le donner à un employé. Oh! Encore de la controverse, toujours de la controverse. Normalement, on arrêterait ici, mais on va continuer exceptionnellement avec les arts et spectacles tout de suite. Donc, Coupe universitaire d'improvisation 2014 à la conquête de la grande ville. Ben oui, donc la fin de semaine du 1er mars dernier, la Lutre a représenté fièrement l'UQTR à la 27e édition de la Coupe universitaire d'improvisation, donc la CUI. Suite à deux défaites, l'équipe n'a pas pu faire les séries malheureusement, mais revient avec de bons souvenirs. Ah, ben tu sais, c'est quand c'est tout ce que t'as. Hein? T'sais. Quoi, c'est des bons souvenirs? Tu t'attaches à ça. Des bons souvenirs? Oui, des bons souvenirs. Ensuite, sortie d'album et spectacle pour Alexandre Desilets, son irrésistible ghetto. Mais oui, donc, le 27 février dernier, Alexandre Desilets était de passage à la salle Anaïs Allard-Rousseau pour présenter le spectacle de son dernier album, Fancy Ghetto. Celui qui a commencé en force l'année 2014 n'a pas terminé d'épater la galerie. Ah. Donc, je crois que Alexandra est une fan finie. Est en amour avec Alexandre Desilets. Moi, ben, je dois admettre que Kendall m'intéresse pas mal. Juste vu sa photo. Ben, c'est tout ce qui compte. Donc, à la Maison de la culture de Trois-Rivières. Et là, j'adore le titre que Félix-Antoine, Désilet Rousseau, etc. a donné à cet article-là. C'est « Kendall, la flamboyance du rock ». Tu sais, Kendall Chandelle. Brochez-le. Donc, la chanteuse folk rock Kendall était de passage à la salle Louis-Philippe Poisson. Oui, merci. T'es de décalage de la Maison de la culture de Trois-Rivières le jeudi 27 février dernier. Au menu, la flamboyance du folk rock progressif. Génial. Et très à la mode, Kendall, en ce moment. J'ai vu un article là-dessus disant « Arrêtez de croire le hype. Là. Arrêtez d'écouter Kendall juste parce que c'était à la mode. » Ben, Caroline, hein? Yeah. Peut-être que c'est bon aussi. Hein? Ben, regardez-la au pays. Ben, c'est ça. Fred Jourdain expose à l'embuscade Café Galerie. Donc, on parle de BD. C'est des œuvres accessibles aux allures de BD. Mais oui, Fred Jourdain, artiste s'illustrant à Québec depuis quelques années, commence à se faire connaître dans la région de Trois-Rivières. L'ensemble de ses nouvelles œuvres seront exposées tout le mois de mars au Café Galerie L'Embuscade. Donc, c'est encore le temps d'y aller. Il sera également possible de rencontrer l'artiste au vernissage qui s'y tiendra le 29 mars prochain. Excellent. Une autre exposition, c'est « La couleur du vent » à l'espace Galerie Emma ou Emma. Oui, donc c'est un livre, 51 reliures, donc très intéressant. Jusqu'au 22 avril prochain se tient l'exposition « La couleur du vent » à l'espace Galerie Emma. Donc, présentant l'interprétation de 51 artistes relieurs d'un livre composé de 16 poèmes de Gilles Vigneault, conçu et illustré par l'artiste française... Et je ne m'aventurerai pas pour dire son nom, mon Dieu. Tu veux-tu t'essayer, Mathieu? Attends un peu. Natacha Imiolek, j'imagine. C'est pas Natacha, c'est Nastalia. Ouais, c'est sûrement juste les lettres qui sont pas pareilles. La prononciation doit être la même, j'imagine. Je pense que c'est Natacha. Natacha. Ah, en tout cas. Donc, super intéressant. Donc, c'est le même livre qui a été relié de 51 façons différentes. Donc, les relieurs se sont donnés à cœur joie dans ce projet-là. Et pour terminer les arts et spectacles, la Journée internationale du droit des femmes a mené à Autour du 8, entretenir en mémoire par Patricia Powers. Mais oui, donc le 8 mars dernier, à la Journée de la femme, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, à la salle Louis-Philippe Poisson. Louis-Philippe Poisson, oui. Donc, elle avait lu l'événement Autour du 8 dans une soirée cabaret orchestrée par Patricia Powers, chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Des voix de femmes se sont unies en chansons, en musique et en texte pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes. Et on complète avec les sports en hockey. Saison terminée pour les Pats. En fait, vous allez remarquer la façon que les titres sont faits. Ça va pas mal tout être saison terminée. On commence par saison terminée pour les Pats en hockey. Donc, au tout début du mois de mars, la formation de hockey des Patriots s'est inclinée en demi-finale face aux Redmen de l'Université McGill. Donc, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi ils sont plus là? Ouais! Mais non, mais pour vrai, ils ont eu beaucoup de joueurs blessés. Les gros noms ont été blessés. Donc, malheureusement, n'étaient pas présents pour les séries. Donc, c'était un handicap assez important pour les Patriots hockey, malheureusement. Ouais, dommage. On saute par-dessus Activer votre santé parce qu'on va en parler avec Cindy dans quelques instants. Ça s'en vient. Vraiment vite, ça s'en vient. Dans là. Genre même pas 5 minutes. Cheerleading, belle progression des Patriots. Oui, le complexe sportif Alphonse Desjardins de Trois-Rivières accueillait le 1er mars dernier une compétition provinciale de cheerleading sous la tutelle du Réseau du sport étudiant du Québec en Mauricie. Les jeunes athlètes de niveau primaire, secondaire et collégial... Non, j'ai pas mis le « et » à bonne place. Primaire, secondaire, collégial et universitaire se sont donné rendez-vous pour une journée survoltée par l'ambiance qui régnait dans le complexe. Donc, on dit que l'énergie était très présente, les éléments étaient réussis. Nos athlètes ont travaillé très fort ces dernières semaines. On aime ça. C'est comme un château de cartes humain, cette affaire-là. C'est cool. ensuite, on parle de soccer. Oui, soccer masculin et féminin. Donc, on commence du côté masculin, les Patriotes à leur meilleur. Donc, les Patriotes ont commencé leur saison lentement, mais le vent a tourné puisqu'ils ont connu deux bons derniers matchs, dont une première victoire. Yeah! Et finalement, soccer féminin, une bonne saison régulière. Les Patriotes ont connu de très belles performances tout au long de la saison régulière. Et cela a aussi été le cas pour les deux derniers matchs. Malheureusement, mais s'ils n'ont pas gagné. Mais en fait, c'était des matchs nuls. Donc, on dit que les Patriotes sont difficiles à battre. Du au moins. Ben voilà. Les matchs losers sont toutes nuls. Et on termine avec badminton. Encore une fois, le titre saison universitaire terminée. Donc, c'est juste c'est fini. T'as vu? Mais c'est seulement la saison universitaire. Oui. Donc, après le championnat provincial par équipe, c'est le tour du championnat provincial individuel du RSEQ, oui, qui s'est tenu à l'Université de Sherbrooke les 8 et 9 mars dernier. Même si peu de membres de la formation des Patriotes sont parvenus à atteindre le tableau principal. Beaucoup de positifs ressortent de cette première participation du club au circuit universitaire de badminton. D'autres tournois s'en viennent, mais c'est pas dans le réseau universitaire. Mais on va quand même réentendre parler de nos joueurs de badminton. Ouais, et on les encourage pour la suite des choses, bien sûr. Et si on regarde à l'endo du journal, ben, y a plein de bonbons. Non, c'est vrai, c'est l'heure des choix. Ah, waouh! Des choix comme choisir des bonbons et choisir tes gagnants pour les élections. Entre le 24 et le 27 mars, je vote aux élections générales de la GUQTR. Donc voilà pour le son de campus, volume 9, numéro 13. En kiosque du 11 au 24 mars 2014, c'est sur le campus du QTR dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Et en couverture, on retrouve la chasse à Sarrasin. Des frais légitimes ou injustifiés. Voilà. Et la jolie gérante de la chasse à Sarrasin. Tout à fait, dont le nom m'échappe. Donc retrouve... Gabriel Dubuc. Gabriel, voilà. Gab. Voilà, zonecampus.ca. Et puis, un petit peu partout à Trois-Rivières. Amusez-vous, lisez ça sur le campus. Et on remercie Stéphanie Paradis, rédactrice en chef. Hey, merci Mathieu. Ça me fait plaisir de te recevoir et de continuer de te recevoir parce que tu connais l'émission aussi. Voilà. Ben oui, c'est ça. Je peux-tu rester? S'il te plaît. OK, merci. Pour la prochaine heure et demie. Dans quelques instants, Cindy Gilbert et Activez votre santé. Mais pour l'instant, quelques messages. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Nous revoili, nous revoilà. C'est toujours Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Nous revoili, nous revoilà. C'est comme une version nouvelle de Allons-y, allons-o. Ouais, c'est comme roulis-roulant. C'est bien à la mode, les roulis-roulants. Chez les jeunes. Roulis-roulant. Je sais pas. J'ai vu un article ce matin sur roulis-roulant. Je me disais, personne dit ça. T'sais. Ben non. Personne. Alors, on vient de faire exploser les statistiques. Là. et de deux. Cindy, rajoute-en un autre. Ben moi, je dirais que ton chandail avec le bonhomme de Mario Bros dessus, là, il est pas pire aussi. Pas pire, hein? Ouais. Tu dirais que c'est comme coulis-coulant. Ouais. C'est aussi vieux que roulis-roulant. Quelle expression, pas bonne du tout. Cindy Gilbert, je pense que c'est le moment. Je vais essayer du moins un peu d'activer ma santé dans la chronique. Activez votre santé! Bonjour! Petite automobile, ville. Ah, ça, c'était mon émission. Tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Tu affoles tes mécaniques. Et tu deviens boum boum magique. Oh boy! Donc, yes! Troisième café était de trop. Ah, si seulement j'avais un café, je serais beaucoup trop en forme, donc je me retiens, j'en ai même pas bu. Donc, Cindy Gilbert, Activez votre santé, on fait ça aux deux semaines. Bonjour à toi. Yeah. Aujourd'hui, ton sujet va intéresser bien des gens parce que c'est quelque chose qui nous touche. C'est les protéines. Quand les muscles veulent des protéines, ils en veulent. Yes. Tac, tac, tac, tac. Pas si on l'entend. Il y en a. C'était sûr que c'était des protéines qu'on entendait. Je sais pas ce qu'on entendait taper. Hein? On peut pas s'injecter des protéines. C'est pas. C'est moi qui ai tapé dans la face. Oui. Ah, y a-t-il des caméras ici? Non, ouais, personne qui peut voir ça. Oui, c'est ça. Ah, salut! Oui, c'est notre web télé. C'est ça, salut la web télé. Salut! Inexistante. Avoir su, j'aurais porté des pantalons. Alors, fait que, mettons qu'on parlerait de protéines, serait-ce une bonne idée? Moi, j'aimerais ça. OK. Alors, c'est un peu la continuité des dernières chroniques que j'ai faites. Hein. Je vous avais parlé des lipides. On avait fait la guerre contre les gras pour voir finalement à quoi ça sert des lipides. On s'est rendu compte que c'était une fonction qui aide beaucoup à notre survie, finalement. Ensuite, on a parlé de glucides, où ce qu'on a vu qu'à part le fait que c'est des sucres, ça peut être intéressant de nourrir notre cerveau avec les glucides aussi. Fait qu'on avait vu que c'était important. Et aujourd'hui, ben, c'est comme j'achève tout ce sujet-là en vous parlant des protéines et des dangers, de l'importance de consommer des protéines. Mmh. Parce que c'est le fun comme sujet parce que c'est fou le nombre de questions que je me fais poser aussi là-dessus. Là. Dès le moment où les gens mettent les pieds dans un gym ou qu'ils veulent commencer à bouger, le monde le savent, hein? C'est important de manger des protéines. Je pense, toi Mathieu, tu le savais-tu? Moi, je ne savais pas, mais je ne sais pas grand-chose. OK. Hein. Non, toi, tu ne savais pas. Là, tu disais, ah, ben là, je vais m'entraîner, il faudrait que je mange des protéines. Ça t'avait sûrement, jamais entendu sûrement, il faudrait que je mange. Ouais. Ben, moi, ça finit si ça rime. Ça. Fait que je suis allé avec caféine, je suis allé avec de la codéine, de la morphine. Ouais. T'sais. Cocaïne. Tout ça. Bon. Ça rime avec protéines, je me suis dit, je sais. Protéines, ouais, ça se vend en poudre blanche. C'est aussi, ça. Fait que bon. Fait que oui, c'est important. Mais à quel point que c'est important, tu sais, se dire des fois on se dit ah, ok c'est important, il faut que j'en mange des protéines, je commence à m'entraîner, mais manger des protéines ça veut pas dire nécessairement de faire un overdose de protéines ben aussi. Fait qu'il faut en manger, mais est-ce qu'on a besoin d'en manger beaucoup? Pas tant que ça. Ah. Fait que c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dans notre alimentation globale, tu sais, de notre journée, on devrait manger entre 45 et 65 % de glucides. Donc, la première apport, ce qu'on devrait manger le plus dans notre journée comme aliment, c'est des glucides. Ensuite, on va manger entre 20 et 25 % de lipides dans notre journée aussi. Puis, on suit avec 10 à 35 % de protéines. Donc, ces protéines-là sont importantes, mais on n'a pas à manger 100 % de notre alimentation de protéines. On doit manger encore plus de glucides que de protéines. Fait que, des fois, ça nous donne une idée aussi dans notre alimentation de la journée de ne pas juste focusser là-dessus. T'sais, dire les lipides, c'est pas bon, c'est des gras. Les glucides, c'est des sucres, c'est pas bon. Les protéines, hein, pourquoi les protéines semblent nos idoles? T'sais, ça, c'est bon, je peux en manger plein. Il y a des problématiques à manger trop de protéines aussi. Fait que, ceci étant dit, quand on mange trop de glucides, ça peut nous causer des problèmes de santé. Ça peut augmenter notre glycémie au niveau du sang. Puis, encore une fois, si on mange trop de glucides, on pourrait avoir une prise de poids. Ce qui peut être plate aussi dans certains cas. Il y en a qui ont ça comme objectif, mais il y en a qui c'est complètement l'objectif inverse. Hmm. Fait que trop manger de glucides, c'est ce que ça peut donner. Quand on mange trop de lipides, surtout les, on avait vu dans l'autre chronique, surtout les trans et les saturés, qui est des mauvais gras, bien, ça peut causer des problèmes au niveau de notre circulation. Puis, ça pourrait bloquer nos artères aussi. Puis, plusieurs problèmes, comme encore une fois, le gain de poids. Fait que c'est à ne pas consommer en trop grande quantité. Et au niveau des protéines, ben, y a encore des problématiques si on consomme trop de protéines. Faut se dire que oui, il y a une partie qui va être éliminée dans nos urines. Déjà, en partant, en mangeant beaucoup de protéines, il y a une bonne partie qui va s'éliminer tout seul. Fait que, tu veux dire, on peut. Mais on ne les stocke pas, les protéines, en tant que telles. OK, fait qu'on ne peut pas avoir un bourrelet de protéines. Non, c'est ça. Les lipides, on les stocke. Les glucides vont se transformer en lipides, on va les stocker. Protéines, un peu, mais vont passer beaucoup tout droit. Ou si on les accumule en trop grande quantité, une grosse problématique qu'il peut avoir, c'est que ça peut surcharger nos reins, notre foie. Fait que ça peut devenir toxique de manger trop de protéines. On peut s'intoxiquer aux protéines. On peut s'intoxiquer aux protéines si on mange trop de protéines. Encore là, dans notre alimentation, il faudrait manger vraiment beaucoup de trucs protéines. Je vais vous parler des suppléments aussi, puis des fois, c'est le côté dangereux qu'on peut avoir de ça. Trop de protéines peut causer aussi la déshydratation. Je ne vous parlerai pas tout le système moléculaire qui se passe dans notre corps, là, parce que je vais vous donner mal à la tête un matin, mais si on consomme trop de protéines, ça peut nous nuire aussi au niveau de l'hydratation. Et encore une fois, si on mange trop de protéines, on peut accumuler encore du poids. Fait que c'est plate pour quelqu'un qui est en processus de perte de poids. Non, on ne gagnera jamais, puis on va tout le temps prendre du poids. Fait que finalement, ben oui, c'est le juste milieu. Ouais. C'est toujours le juste milieu. Fait que, l'équilibre. Oui, l'équilibre. Alors, voilà. Fait que trop de protéines, c'est le mal. C'est comme pas assez. Pourquoi tu dis, il y a pro dedans. Je suis pro quand tu prends beaucoup de protéines. Je suis un pro. C'est comme Windows Professional Edition. Pro. C'est hot, ça. Mais là, dans ce cas-là, non. Moi, ça me donnerait pas le goût de t'ostiner là-dessus. Non, moi, je laisserais ça vaguer comme ça dans le néant. C'est comme si j'avais rien dit. C'est ce que tout le monde fait. Oui, mais trop de Windows, pas mieux non plus. Non, même non. S'il est pro. Juste un peu de Windows, c'est trop déjà. T'sais. Bref, on s'embarque dans d'autres choses. Comment? OK, voilà. Attends, dis que je continue. Pour quelqu'un qui fait juste semblant que j'avais rien dit, je trouve que tu passes pas mal de temps à m'en parler. Ouais. Ah, OK, bon, j'enchaîne. C'est parce qu'il y a des bons trucs aussi au niveau des protéines. Ça peut aider à renforcer notre système immunitaire. Fait que déjà en partant, ça aide de manger des protéines. Réparer des blessures. Quand on va s'entraîner, on va faire un peu des micro-blessures dans nos muscles. Ça, je vais vous en parler dans une prochaine qui est ça, quand on est raqué, là. Oui, c'est ça, je vous en parle dans deux semaines, hein, parce que c'est un sujet que tu voulais qu'on parle au niveau de la flexibilité. Puis ça, je savais décrire ça. Hier, je m'en venais en voiture, là, puis j'avais un 2 heures de trou à bloquer. Fait que je savais décrire une chronique. Ah, wow! Ça, c'est encore en voiture. T'es productif, t'es tout le temps en train de travailler. Oui, toi, hein? Oui, oui. Moi, je conduisais, j'écrivais une chronique, puis je jouais du piano de l'autre main. Fait que vous pouvez m'appeler Grégory Charles. C'est pas vrai, j'avais un chauffeur privé. C'est tellement sécuritaire. Oui, t'es en limousine, comme toujours, une vraie vedette. Mais une micro-blessure, c'est pas ce que Stéphanie subit quand t'as pris un choc sur son micro? Non. C'est une micro-blessure. Mon Dieu, hein? Seigneur. Hein? Ah. C'est pas que t'as des chocs partout, ça. Alors, j'enchaîne. Je pogne pas de choc sur ma mousse de micro. Tu t'élèves, non? Non. C'est quand t'oublies pas de mettre ta mousse. Quoi que toi, es-tu tout le temps après? Tout parce qu'elle est sous ta bouche en permanence, dans la vie, fait que ça te booste le micro. Quand je donne des cours, moi, j'en ai un micro, mais il faut que j'amène ma propre boule. Si j'oublie, ben, le monde m'entend de respirer. T'es-tu comme Britney Spears avec ton petit micro, genre, sur le bord de la bouche? Là, pareil. La même shape. Oui, puis elle chante, puis elle saute partout. Oh, baby. Non, ça, c'est Justin Bieber. Bref. Ouais. Fait que voilà, les protéines, c'est bon pour réparer les blessures, donc pour récupérer de l'entraînement aussi. Nous fournir de l'énergie, comme tous les autres nutriments aussi. Et toutes nos hormones, peau, ongles, cheveux, sont constituées aussi de protéines. Fait que ça sert pour les muscles, mais ça sert pour plein d'autres choses aussi qu'on a dans le corps. Pourrais-tu manger mes cheveux? Hey Colin, ça serait une bonne question, ça. Est-ce que tu pourrais métaboliser les protéines qui sont comprises dans tes cheveux? Je ne le sais pas. Je sais pas, juste d'y penser, le cœur me lève. Ceux qui rongent leurs ongles. On fait le test. Ouais. Fait que, oui, tu pourrais peut-être causer une micro-déchirure dans ton estomac, par exemple, avec tes petits boudons. Mais en tout cas, ça serait à vérifier. Alors, voilà, pour les protéines, ce qui va être important au niveau de la consommation de vos protéines, c'est aussi de les consommer en petite quantité. Puis c'est pour ça qu'on va dire souvent de manger plusieurs repas dans une journée, manger 5 repas dans une journée, c'est un des avantages. On va manger moins de grosses portions de protéines dans le même repas, ce qui va faire en sorte que on dit à peu près l'équivalent de 25 grammes de protéines à la fois. Notre corps va mieux l'absorber. OK, fait que tu me conseilles pas de manger un poulet pour déjeuner maintenant? Non, ça serait pas vraiment une bonne idée parce qu'il y aurait une partie qui serait moins bien absorbée finalement. Fait que tu sais, ça serait mieux de manger étalé dans toute la journée. Ouais, finalement, pour répondre à la question, une cuisse de poulet le matin, l'autre cuisse le midi, les ailes l'après-midi plein de gras, puis le soir, ben, tu manges la balance. C'est pas vrai, faut, hein? Tout est dans la variété aussi là, au niveau des protéines. Mais pour vrai, t'es mieux de l'étendre au courant de la journée. Ouais. Oui, tu vas mieux le métaboliser. Ah, voilà. Intéressant. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que c'est un des avantages à manger plusieurs repas, mais pourquoi pas faire un chronique à un moment donné sur comment tout séparer ça dans une journée, ben oui. Puis les avantages aussi, parce qu'il y a des avantages au niveau des protéines, mais des avantages au niveau de plein d'autres nutriments aussi, de séparer les repas là, dans une Donc, journée. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de tout à chaque repas. Yes! Fait que, voilà, diversité, autant pour les vitamines, minéraux, tout le reste aussi. Fait que... Là, tu sais, je vous dis 25 grammes de protéines, c'est intéressant. Tu fais, oh, 25 grammes. Ah, ça ressemble à quoi, 25 grammes? Je sais pas. Moi, d'autre dans le poulet, ça. Ouais, mais tu sais, dans le poulet. Moi, faut que tu me dises en nombre de poulets. Oui. Un demi-poulet, un quart de poulet. Mais c'est ça la problématique, c'est que dans le poulet, j'ai beau le peser, mais il n'y a pas juste des protéines. Ben non. Il y a d'autres choses. Fait que tu fais comment pour le décomposer? Je vais vous parler des normes, premièrement, de combien qu'on devrait manger de grammes, nous, les êtres humains, par jour. Mm-hmm. Ça va déjà nous donner une idée. Puis moi, j'arrive toujours... Il y a toujours au moins un petit calcul là, dans mes chroniques. Fait qu'il y en a un petit, tout petit. Ça, ma calculatrice, c'est ça? Ben, pas tant. T'as pas besoin parce que je vais vous donner le chiffre. Fait que, tu sais, essaie juste de retenir ce chiffre-là. Ah, elle a déjà calculé! Ah ben oui, elle a déjà calculé. Voir que je vais sortir ma calculatrice, là. Ça me prend du temps à faire mon calcul, là. J'ai l'air tout organisé, là. Le calcul, il se fait selon vos objectifs. Entraînement, vos objectifs de vie, puis selon votre poids corporel aussi. Fait que si on prend l'objectif de quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, qui dit « Moi, je viens dans un gym, puis j'aimerais ça prendre de la masse musculaire. » Pour cette personne-là, ce qui va être recommandé, c'est prendre 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Il faut connaître son poids en kilogramme. En kilogramme, voilà. Fait que là, moi, dans mon exemple, je prends toujours l'exemple d'une personne de 150 livres. Ouais. Ça fait une moyenne. D'ailleurs, hein, sur les tapis, les elliptiques et tout ça, là, quand vous rentrez pour savoir le nombre de calories, il n'y a pas de balance là-dessus. Hein, ils vous calculent comme si vous pesez 150 livres. Ouais. Mais quand tu arrives pour le CT, il te met 150, ouais. Puis tu as 25 ans. Oui, c'est ça. Moi, je vis dans le déni, je suis parfait. Moi, ça me convient. Non, si tu le dis. La la machine le dit, ça doit être vrai. Je te dirais pas quoi faire, c'est un robot. Les robots sont nos maîtres. Oui. On les adore. C'est, ben, premièrement, c'est une parenthèse, hein, c'est une des erreurs qu'il y a sur les appareils cardio qui calculent vos calories en fonction que vous avez. Toi, tu dis 25, c'était pas 30, ça se peut que ce soit 25. Fait que 150 livres à 25 ans, mais ben, c'est déjà en partant, ça peut c'est complètement biaisé. Ma gueule, je sais même plus. Je pense qu'il allait avec une moyenne. Il semblait que c'était 30, là. Faudrait que je vérifie. Mais quand même, dire que le nombre de calories qui est inscrit sur l'appareil, c'est pas représentatif parce qu'ils savent pas ton poids exact, ouais, ton âge et tout ça. Fait que ceci étant dit, selon quelqu'un qui pèse 150 livres, pour pouvoir le mettre en kilogrammes, c'est toujours divisé par 2,2. Fait qu'on va se dire, ça serait l'équivalent de 68 kilogrammes. Fait que quelqu'un qui pèse 68 kilogrammes, qui est en objectif de gain de masse musculaire, il faut qu'il prenne 2 grammes de gras par kilogramme. Fait que tu fais 2 grammes fois 68 kilogrammes, ça donne 136 grammes de protéines par jour à consommer. Ça, c'est quelqu'un qui est en prise de masse musculaire. C'est exactement le même calcul pour que monsieur, madame, tout le monde qui disent « Moi, je voudrais juste être en santé puis que mon corps ait tous les nutriments qu'il a besoin. » Fait que oui, découper, je serais pas fâchée. Hein? Mais tu sais, bon, oh non, si c'est quoi ce six-pack-là, franchement? Mais mon objectif, ouais, il me gêne. Regardez mon chandail, là, mon six-pack me gêne. les personnes qui sont plus en objectif de santé, au lieu d'être 2 grammes, ça va être 0,8 grammes de protéines. Fait qu'exactement le même calcul, pour monsieur, madame, tout le monde, ça serait 55 grammes de protéines par jour qu'on doit consommer. Ça, c'est comme l'idéal. Fait que tu sais, il y a quand même une marge entre le 2 grammes de quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire puis 0,8 grammes, monsieur, madame, tout le monde. On peut dire que ça devient toxique à partir du moment où ce qu'on consomme plus que 3 grammes de protéines par kilogramme de poids par jour. Fait que, okay, encore là, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de chiffre, ça dépend vraiment de votre poids. Fait que, mais le 3 grammes, quand même, c'est comme le chiffre magique pour se dire on essaye de ne pas dépasser ça. Là, je vous donne des exemples. Parce que la star qu'on sait, bon, OK, on prend monsieur, madame, tout le monde, là, l'exemple monsieur, madame, tout le monde avec 55 grammes. Qu'est-ce qui contient 55 grammes? Mon poulet, il contient combien de grammes? Bien, en moyenne, la meilleure source de protéines, sont dans les viandes, dans les poissons, dans les volailles. Puis, c'est une moyenne. Hein, dans une portion, ça va être 16 grammes de protéines qu'il va avoir. Fait que on parle pas du poulet en entier, on parle d'une portion, exemple, de poulet. Une portion, est-ce que c'est un point comme on dit tout le temps? Oui, habituellement, ça tient dans le creux de la main. Okay. C'est à peu près ça. T'sais, si on le met sur une balance, ça va être 2,5 onces, 3 onces, c'est à peu près une portion de poulet, de volaille ou de viande. Fait que quelqu'un qui arrive avec son gros steak va avoir peut-être 3 portions. Mais là, tu fais 3 fois 16 à ce moment-là. Là. On arrive rapidement proche du 55 grammes. Oui. Encore là, 55 grammes, on est loin du toxique. On est juste proche de notre idéal qu'on doit manger. Fait que tu sais, dans les grosses sources, c'est ça, c'est qu'ils contiennent 16 grammes par portion. Dans les sources quand même importantes de protéines, il y a dans les produits laitiers, les légumineuses et les noix. Eux, ils vont contenir en moyenne par portion 8 grammes. Fait qu'ils vont en contenir un peu moins que dans les volailles et les poissons et tout ça, mais ils vont en contenir quand même. Fait qu'il faut le prendre en considération. Puis encore une fois, des noix, hein, une portion de noix, ça tient dans le creux d'une main. Fait que tu sais, c'est facile d'aller chercher 4 fois cette portion-là en mangeant le petit sachet minimum de noix. Ben minimum, oui, hein, parce que quand on se met à manger ça... Ça se mange tout seul. Fait que tu sais, notre 8 grammes, on peut faire quasiment fois 4 si on passe à travers du sachet. Puis ça, c'est juste dans une collation. Fait que ça s'accumule quand même rapidement. Puis il y a d'autres trucs aussi qui contiennent quand même un peu de protéines. La famille des féculents, tout ce qui est pain, pâte, patate, riz, contiennent quand même beaucoup de glucides, mais un peu de protéines. Certains légumes aussi vont contenir un peu de protéines. Puis là, on peut dire qu'en moyenne, ça peut jouer autour de 2 grammes par portion. Fait que là, si on part du matin, là, tantôt, on blaguait avec le poulet, là, mais on s'entend, là, le matin, manger 2 toasts avec du beurre d'arachide qui contient des protéines. On rajoute un verre de lait à ça. En collation, on se prend un yogourt qui a encore des protéines dedans. Le rendu le midi, on mange notre portion de poulet. On va le plugger, le poulet, avec un petit peu de féculents qui en contient, des légumes qui en contient. À la fin de la journée, là, parce que vous pensez qu'on l'atteint rapidement, ça, 55. Mais vraiment. Vraiment rapidement. Fait que si je vous pose la question, est-ce pertinent de s'ajouter des suppléments de protéines? Est-ce que vous êtes capable de répondre à ça? Ça ressemble à non. À la lumière des informations que je vous ai données. Ça ressemble à non, effectivement. Oui, c'est que ça devient inutile d'en ajouter. Puis ça peut même devenir problématique d'en ajouter c'est aussi. Ça. Parce qu'on peut tomber du côté toxique. Puis en plus, c'est cher. c'est cher. Un gros baril, tu sais, j'ai vu quelqu'un récemment arriver avec un gros baril de poudre de ça, de protéines. Oui. De du whey, qu'il appelle, oui. W-H-E-Y, c'est bien ça le mot? Oui. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du whey. Là. Ça tente-tu que j'en parle? J'aimerais ça. J'avais planifié d'en parler. Ah, oh, ça tombe bien. Why not? La poudre de whey, hein, en tant que telle, c'est pas de la poudre, c'est pas de la drogue. C'est pas méchant. OK, au moins, déjà. Ouais. La poudre de whey, dans le fond, c'est des protéines de lactosérum. Ça, c'est le mot à retenir de la journée. Beaucoup de points au Scrabble. Lactosérum, c'est les protéines qui sont contenues dans le lait. Ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent tout ce qu'il y a du lait. Fait que le gras, les vitamines, ils enlèvent tout puis ils gardent juste les protéines. Fait que ça devient un extrême concentré de protéines. Fait que est-ce que c'est mauvais en soi? Non, on en boit dans le lait, on en prend dans les produits laitiers. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais dans une portion, tu sais, une portion, c'est quand tu rouvres le pot, il y a un petit... le baril. Oui, le baril. Tu sors ton seau qui descend, oui. Là, tu vas dans le fond du puits. Il y a comme une cuillère une scoop, qui vient avec, ouais. Puis ça, c'est l'équivalent d'une portion. Puis dans une portion, c'est 30 grammes de protéines. Oh, c'est vraiment beaucoup. Oui. Si on doit en prendre seulement 55. C'est ça. Tu sais, quelqu'un qui est en prise de masse musculaire, qui, avec le calcul, ça donnait 136 grammes, ce qui est beaucoup plus quand même, reste que cette personne-là va sûrement savoir qu'il faut manger plus de protéines. Des fois, même de façon involontaire, elle va s'en rajouter plein dans la journée. Ouais. Elle va dire, protéines poulet, let's go poulet toute la journée. Fait que déjà, elle en a déjà plein dans son aliment. Même dans son cas à elle, ça peut être complètement inutile d'en ajouter parce qu'on va vite le chercher dans notre alimentation. Fait que oui, ça devient inutile à ce moment-là, mais aussi de l'autre côté, puis là, j'ai été faire des recherches, ça dépend vraiment ça dépend des sites, puis ça dépend des compagnies, mais en moyenne, dans le 30 grammes, dans la cuillerée de poudre de whey, il y a en moyenne 120 calories. Ah oui. Fait que tu mettons, tu dis, ben je mange mes repas normaux par jour, mes collations, puis à tout ça, à la fin de mon entraînement, je me rajoute un shake que je me fais moi-même avec du lait, des fruits, des graines, puis à ça, je me rajoute 30 grammes, 120 calories. Fait que là, tes calories qu'il y a dans le lait, que souvent, ça va être deux tasses pour pouvoir combler ta bouteille, tes calories qu'il y a dans les fruits, dans les graines, dans ton 120 calories que tu ajoutes, ton shake peut contenir facilement 300, 400 calories. Oui. Là, t'as mis une banane là-dedans. Là, tu viens d'augmenter ton nombre de calories en fou. Est-ce que c'est problématique si tu remplaces un repas par ça? Pas nécessairement. Okay, Puis ça peut être une bonne solution. Quelqu'un qui dit, j'ai pas le temps. Tant qu'à aller prendre une commande à l'auto, passer à n'importe quelle restauration rapide, tu sais, faites-vous en un shake. Tu sais, c'est pas mauvais. Puis là, vous ajoutez des protéines dedans parce que ce repas-là, vous n'avez pas mangé de poulet. ça peut ne pas être problématique en tant que tel. La problématique, ça va être plus quand on va s'ajouter ça à notre menu. Oui, mais tant qu'à se faire un shake puis à prendre de la poudre de protéines, on pourrait juste mettre un peu de beurre d'arachide dedans puis ça ferait la job. On pourrait. Simple. Parce que moi, je trouve ça tellement bon, du beurre de peanut. J'en mettrais partout. Oui. Puis tu sais, t'auras pas plus de calories dans ton beurre de peanut que dans ta poudre de whey en tant que tel. Quelqu'un qui est en processus de perte de poids, quelqu'un qui va aller s'entraîner pendant une heure de temps, qui brûle, tu sais, je le dis, je pense à chaque fois, 500 calories en moyenne, va aller prendre un gros shake après 300 calories. Ton déficit, il est très ferme à ce moment-là. Fait que le but, c'est de pas s'ajouter ça. C'est bien de se faire des shakes dans une journée avec du lait, des fruits, tout ça, mais de le calculer dans ses collations. Dire, moi, ça va être ma collation. T'sais, habituellement, je prends un yogourt puis un fruit le matin. Ben, je pourrais le planifier dans mon shake, dire, prendre une portion de produits laitiers, un fruit, c'est bien. Mais est-ce qu'on a besoin de s'ajouter les protéines en poudre en plus? Mais non, déjà en partant, mon shake, il va en avoir plein de protéines. Déjà en surplus de tous mes repas de ce que je vais consommer dans la journée. Là. Quelqu'un qui prendrait ses trois repas, plus une collation, plus des noix avant de s'entraîner, plus un shake après souper, mettons, ce serait peut-être un peu trop. Bien, ça serait intéressant de faire le calcul du nombre de calories qu'on peut consommer dans une journée. Puis encore là, pour la plupart des êtres humains, ça donne mal à la tête de faire ça. Ben oui. Dire, OK, je m'assois, ben, j'essaie de le faire. Guider. Oui. Mise en situation, mettons, tu sais, un sketch, mise en situation. Mettons, je peux lire à quelqu'un ton article du Zone Campus avant qu'il paraisse, puis je dis, tu sais, lis ça, voir ce que tu en penses, puis qu'il me dit, mais moi, je vois un nutritionniste et un ci, puis un ça, puis ils m'ont dit d'acheter ce baril-là, ce de petite poudre-là, fait qu'ils doivent bien savoir ce qu'ils font. C'est pas un peu genre juste être naïf, puis te mettre toutes les œufs dans le même panier d'une personne qui te conseille, puis c'est ton Dieu, puis tu fais Ben, en même temps, je sais pas si naïf, ça serait le bon terme, parce que on le sait plus, hein, à qui se fier. Ouais. Moi, je dis, regarde, les nutritionnistes, ils ont un bac de 4 ans. Ils sont formés là-dedans. Ils savent exactement, ils vont prendre toi, ils vont prendre en considération tous tes paramètres, tu sais, de ta santé corporelle, de tes objectifs, puis ils savent quoi mettre dans ton alimentation. S'ils voient que toi, tu as une carence en quelque chose, qu'ils savent, mettons, justement, toi, tu es sur la route toute la journée, puis que le nutritionniste te dit, oui, prends-toi de la poudre de whey. Il y en a des nutritionnistes qui vont dire d'en prendre parce que toi, tu as une carence dans ta journée. Ou, exemple, une personne âgée qui n'a vraiment pas d'appétit, puis oui, cette personne-là, on va dire, prenez-en des suppléments. Son docteur va dire, prenez des suppléments de vitamines, prenez des suppléments de calcium. Tu fais arracher les dents de sagesse, tu es obligé de manger mou, même liquide pourquoi pendant 3-4 jours. Oui, pourquoi pas? Dans le fond, c'est pour venir combler. Mais quelqu'un qui est capable de manger normalement toute la journée ne va pas avoir besoin de ça. Mais à la mesure où tu as un nutritionniste, là, on ne parle pas d'un spécialiste en santé qui s'est inventé un titre. Quand il y a un nutritionniste qui te suggère des trucs, c'est déjà plus crédible. Mais après ça, il reste que le nutritionniste. C'est une personne, hein? Fait qu'elle peut analyser les études qui ont été faites à sa propre façon, puis aller voir certaines études, puis dire, oh, ça fait mon affaire. Je vais l'adapter à la façon dont moi j'envisage ça. Fait que oui, ça se magazine, un nutritionniste. Exact. Fait que déjà un nutritionniste qui travaille avec le guide alimentaire canadien, puis avec les portions normales de ce qu'on doit manger, moi, ça me donne déjà confiance en la personne. Tu vois, donc, faut arrêter un petit peu d'être, mettons, cynique, comme certaines personnes. Là, je suis en train de me pointer. Oui. Ceux qui voient pas. De dire, tu sais, que c'est peut-être parce que le gars fait une cote de profit sur la poudre de whey. C'est sûrement pas ça. Ben, déjà, en partant, si dans le gym que tu vas, ou dans un gym, ça peut être n'importe quel studio, s'ils vendent ces produits-là, vous êtes fit. Ils vont vous dire que c'est bon. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est la réponse que j'espérais ne pas entendre, parce que c'est le cynique en moi qui pensait que c'était exactement ça qui allait arriver. Ben oui, parce que ils veulent vendre leurs produits. Voilà. Ce qui est plate, c'est que. Puis souvent, hein, sur leur tablette, tu as un paquet de produits, un paquet de. Puis il y en a qui rentrent en contre-indication avec d'autres, sont vendus un à côté de l'autre, les deux sont légales. Mais les deux combinés ensemble, ça devient toxique pour ta santé. Mais, tu sais, l'entraîneur, tu ne sais pas nécessairement. Ben non, c'est ça. Spécialiste. Voilà. Fait que je veux faire une parenthèse quand même intéressante au niveau de surtout mesdames qui ont peur de prendre de la masse musculaire. Tu sais, souvent, vous allez dire, ah oui, ben là, je veux venir m'entraîner, puis, mais je veux pas prendre de masse musculaire parce que je veux pas ressembler à Hulk. Oui. Ouais, c'est pas très attirant, on s'entend, il y en a qui aiment ça. Je viens, fait que tu sais, non, je veux pas faire de musculation, puis tu sais, je veux pas manger des protéines. Puis là, on le sait, là, je vais faire une parenthèse assez grosse, protéines, là, c'est bon pour la santé, il faut en manger, il faut respecter les quantités, puis on va être correct avec ça. Mais au niveau de votre entraînement, ça prend du temps. Ça prend un entraînement très spécifique, puis beaucoup, beaucoup d'heures de musculation, puis un programme adapté, encore une fois, fait par un kinésiologue, un autre professionnel de la santé qui est prêt, apte à vous faire un programme sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs. La prise de masse musculaire, surtout chez les dames, c'est très difficile. Ça arrive pas par hasard. Ça arrive pas par hasard. Puis oui, il faut manger des protéines. Oui, il faut combiner une bonne alimentation, mais il faut combiner un programme vraiment adapté. Fait qu'il faut avoir les services des deux spécialistes puis être prête à mettre beaucoup d'heures par semaine pour devenir comme Hulk. Je prends l'exemple de Hulk. Oui. Fait que mesdames qui ont peur de s'entraîner en musculation, dire moi, je veux pas prendre de la masse musculaire, ne vous inquiétez pas, le processus est très long. Découper, ça se fait quand même. T'sais, c'est long, on le sait, là, ça prend quand même ça se fait pas du jour au lendemain. Perdre du poids aussi, ça se fait tranquillement, mais sur l'échelle d'une année, on peut faire quelque chose de quand même beau. Mais prendre beaucoup de masse musculaire, chez les femmes surtout, puis quand on a un âge, plus l'âge est avancé, plus c'est difficile aussi. C'est difficile. Fait que, tu sais, faites-vous confiance, puis n'hésitez pas à augmenter vos charges. Quand votre entraîneur dit augmenter vos charges, vous n'allez pas. C'est plate aussi d'un certain sens, là. Puis c'est le fun d'un autre sens. Vous n'allez pas vous lever le matin, puis vous regarder dans le miroir, puis faire le saut, vous dire ah, c'est quoi ces muscles-là? Ouais, enlevez-moi ça! Au pire, tu vas le voir venir. Oui, là. Tu le vois. Hey, tu le vois venir, puis tu le vois venir très lentement, là. Puis la journée, tu te regardes dans le miroir, puis tu fais oh! Allô? Bien sûr, souvent ici. Oui! J'ai exactement la shape de mes rêves aujourd'hui. Si je dépasse cette shape-là au niveau de masse musculaire, je me trouverai plus belle parce que, tu sais, on a tous des standards de beauté différents. Bien, à ce moment-là, vous ferez réviser ce jour-là votre programme par votre entraîneur pour dire, mettons que je serais pas payée pour être en maintien. Je voudrais maintenir ma shape comme BDS. Ça. Ouais, ben oui. Et je veux maintenir. Fait que, tu sais, augmenter vos charges. Tant que vous n'avez pas votre programme idéal ou votre shape idéal, continuez de progresser. Puis vous allez finir par atteindre vos objectifs tranquillement. Fait qu'ayez pas peur, là. Tu sais, les protéines, mangez-en. C'est bon. Vous n'allez pas vous réveiller par surprise le lendemain matin. En tout cas, si ça vous arrive, donnez-moi des trucs. Je vais pouvoir conseiller les gens qui veulent en prendre rapidement. Mais non, malheureusement, ça se fait tranquillement. La chirurgie plastique. Oh mon Dieu Seigneur. Puis après ça, on reprend nos enfants. anciennes habitudes de vie, exact. Puis on reprend tout ça. Mais il y en a qui se font vraiment implanter des faux muscles. Oui, oui. Hein, des gars qui se font implanter des pectoraux. Ouais, ouais, c'est douteux. Dégueulasse, certains diraient. Ouais. Ouais. Ça dépend des goûts, hein, mais c'est ça. Ah! Attends, je ne me prononcerai pas trop là-dessus, parce qu'on ne sait pas qui écoute, hein, mais. Ben non, complexe de personne. Si vous écoutez, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on ne joue pas votre style de musique de douchebag, premièrement. Gars, je me cache pas, on veut pas de douchebag à l'écoute. Si c'est votre cas, ben Caroline, appréciez les autres émissions qui c'est des douchebags. Parce que je viens de péter leur ballon. C'est un peu pas, ça. Ouais. Fait que j'ai fait le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui au niveau des protéines. Fait que tu sais, c'est encore une fois, je pense que toutes mes chroniques vont finir comme ça, puis tous mes discours à vie. Mangez bien. Mangez normalement. Si vous avez besoin d'aide pour l'alimentation, allez voir une nutritionniste ou même demander des conseils. Moi, vous pouvez me demander des conseils puis je vais vous aider et je ne suis pas nutritionniste. Si jamais ça sort de mon domaine de compétences, je vais aller m'informer ou je vais vous référer. Même chose aussi. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à poser des questions puis à vous informer. Mangez bien, bougez bien. Puis c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. Tout est dans le juste milieu. Ah. Mangez pas de poulet au complet pour déjeuner. Non, ça, c'est une. C'est ceux qui ont pogné juste le début de la journée. Avec là, ils vont faire. Puis le petit cop de sauce, là, tu gardes ça pour le dessert. Ça, la sauce, t'apprends pas. Ah non, mais là, du poulet sans sauce. Hein. Donc, Cindy Gilbert, on te retrouve dans deux semaines. Yes. C'est mercredi à 8h pour la chronique Activer votre santé. On clique dans Zone Campus, aux deux semaines aussi. Il y a un nouveau numéro qui est sorti cette semaine. Et puis, ton adresse courriel est dans le générique pour ceux qui veulent t'écrire. Pour vrai, ton numéro de téléphone, es-tu là aussi? Non. Oui, avec ton NIP et ton adresse. Ah, bon, super. Tant que vous n'avez pas mon numéro de carte de crédit. C'est ça. Et donc, c'est dit, je te barre dans deux semaines. Merci. Bye. Dans quelques instants, ce sera UQTR en spectacle 2014 avec Joanie Gagnon et le théâtre des Poêles-Bois. Mais avant ça, je t'envoie Pagan Day. Tu m'envoies Pagan Day? De Piper. Manger de la tarte, mais on sépare la tarte en pointe tout le long de la journée. Okay. C'est une tarte au poulet? Ben, y a pas non, c'est une tarte, mais pas de sauce, parce que tu m'as dit de pas mettre de sauce. Fait que c'est juste de la croûte, pas de plâtre. dans tes oreilles. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis. En ce mercredi 12 mars 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Le seul nom que je suis capable de retenir, c'est le tien et le mien mal. Il y en a deux au moins. Jean-Philippe, tu l'appelles monsieur à chaque fois? Monsieur, monsieur char, monsieur voiture, monsieur véhicule. Là, je dis, ah, char, bono. Tu vois? Ben, OK. Comme dans YouTube. C'est ça. Pas comme dans le pavillon, en tout cas, parce que de la bono, non, il n'y en a pas. Si bien, bono, c'est pas dans YouTube. Hein. Tu vois, je mets dans ma musique aussi. Bref. Donc, c'est le moment de parler du QTR en spectacle 2014. On fait ça toute la semaine ici à Assemblage requis. Ça va mener jusqu'au spectacle qui a lieu jeudi. Et pour en parler aujourd'hui, non seulement est-ce qu'on a Joanie Gagnon qui s'occupe des communications à QTR en spectacle 2014, mais aussi Fanny Saint-Gelais qui occupe, co-occupe, cohabite dans le même poste. Exactement, on fait un beau travail d'équipe. Bonjour à vous deux. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Cool. Ah ben Caroline, hey, on se fait demander si ça va bien. Ça va super bien. Je vous le demande toujours si ça va bien. Puis tout le monde le pense en plus. C'est vraiment, est-ce que ça va bien? Et je veux que tu me racontes ta journée jusqu'à maintenant. Okay. Non, c'est pas vrai. On parle d'UQTR en spectacle qui a lieu donc jeudi 13 mars, 19h. UQTR en spectacle, pour ceux qui n'ont pas suivi lundi et mardi, là, et depuis les 10 dernières années, donc ceux qui viennent d'arriver en région, qu'est-ce que c'est? En fait, UQTR en spectacle, ça met en scène des étudiants qui vont à l'UQTR avec des talents artistiques. Puis c'est vraiment un spectacle de variété. Donc, on peut voir 10 numéros cette année pour la 10e édition. Cool, des numéros dans tous les genres. Il n'y a comme pas de genre qui n'est pas exploré presque dans l'UQTR en spectacle. Non, cette année, il y a du chant, de la danse, du théâtre, de l'interprétation. C'est vraiment varié. Varié. Et donc, ça a lieu à 19h jeudi. C'est au Cégep. Cégep de Trois-Rivières. OK, et on se procure les billets de différentes façons. Comment? Oui, on peut aller les acheter à la coop étudiante au coût de 7$. Sinon, c'est possible de les acheter en ligne. En ligne, oui, c'est ça. On veut vous parler de ça vraiment parce que c'est vraiment une belle occasion d'essayer ça. C'est une application qui s'appelle Student Sphere. C'est super facile. C'est connecté avec notre profil Facebook. Donc, les billets sont en pré-vente. Ça vaut vraiment la peine de les acheter là parce qu'à la porte, ils vont être à 10$. Donc, rendez-vous sur notre page Facebook. Le lien va être là. Cliquez là-dessus et achetez vos billets en pré-vente au coût de 7$ pour le spectacle. Génial! On sauve 3$. Exactement! Ça vaut la peine! Pas pire en calcul mental, hein? C'est mon talent que je présente l'année prochaine. Donc, on a sélectionné au hasard 3 personnes ou ensemble qui viennent à l'émission Assemblage requis cette semaine, du lundi au mercredi. Et aujourd'hui, on est tombé sur Isabelle Bédard, qui, par hasard total, vous avez remarqué hier, Olivier Bellemare anime aussi assez fou l'émission Hors Zone. Et là, Isabelle Bédard anime Radar Jeunesse et samedi matin, en direct, presque un complot. Ce n'est pas un complot, même bon. Pas. T'es ici pour nous parler du théâtre des Poêles à bois. T'es seule ici en studio. Oui, exactement, mais je représente mes 3 autres collègues. D'accord. Qui sont-ils? Quels sont leurs noms? Et dans quel programme est-ce que vous étudiez en ensemble, en groupe, individuellement ou je sais pas trop? En fait, c'est très drôle parce qu'on est les 4 personnes qui étudient dans des domaines connexes. Donc, c'est très drôle. On a Marie-Ève Gagnon qui étudie en psychologie, François Ladouceur qui est en chimie, Laurence Pernier qui est au bac en enseignement au secondaire et moi, je suis en administration et certificat en anglais en même temps. Et moi, je remarque que tu n'as pas écrit les noms sur une feuille, contrairement à moi. Bon, on est des amis de longue date, donc on se connaît depuis longtemps. Malgré le programme. Moi, je veux savoir, le théâtre des Poêles à bois, ça vient de où, ça? Pourquoi avoir choisi ce nom-là? En fait, c'est une troupe qui existe, qui a commencé à Saint-Tite. C'est le fun de savoir que vous existez. Mais non, mais c'est une vraie troupe. En fait, il n'y a pas juste nous, il y a d'autres personnes également à l'intérieur. Puis, ça a commencé à Saint-Tite, il y a 20 ans déjà. OK. Faut dire, j'ai 22 ans, donc j'ai pas commencé il y a 20 ans. Mais c'est ça, ça a commencé il y a 20 ans à Saint-Tite et maintenant, c'est rendu à Louisville. Puis, on est une dizaine de comédiens qui font 2 productions par année à Louisville. Donc, c'est à partir de là, c'est Serge Barry qui est le metteur en scène et le fondateur du Théâtre des Poêles à bois. Puis, on est parti de ça, en fait, de ce théâtre-là. Et fait à noter pourquoi ça s'appelle le Théâtre des Poêles à bois, c'est parce que c'est rassembleur. Tu sais, c'est le fun d'être autour d'un poêle, puis de jaser, puis de se réchauffer. Fait que c'est à partir de là. Ben, c'est plus fun qu'un calorifère. Exactement. C'est pas assez proche, j'imagine, les calorifères. Mais... Ouais, vraiment. Mais non, c'était le Théâtre des Poêles à bois. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. On a une belle chimie, on est une belle gang. Ouais. Dehors de la peau d'ours aussi, ça aurait pu popper. Oui, ça aurait pu. Mais c'est Serge Barry qui a choisi le nom, donc on va y laisser. D'accord. Quoi est-ce qu'on peut s'attendre de votre fabuleux numéro que vous allez présenter à 8h en spectacle? Eh bien, en fait, nous, on présente un numéro de théâtre sur la langue française. Souvent, on oublie qu'on a des accents dans notre langue française. On a de la ponctuation. Donc, on fait un petit sketch là-dessus. Puis également, on parle du fait qu'on est rendu un peu large dans notre vocabulaire. Donc, on peut bien parler dans la vie. On est capable. On l'a appris. Ouais, c'est nice. C'est chill de bien parler. Hein? C'est full. Donc, on parle un peu de ça, de la lâcheté qu'on a eue par rapport à la langue française, puis comment qu'on peut rapporter ça. Puis également de la ponctuation, comme j'ai mentionné. Oui, aimer Halloween, ça. MDR. Mon Dieu. Ouais, je sais pas. T'es dans feu ce matin? Non. Essaye pas. Et est-ce que c'est votre première participation à UQTR en spectacle? Oui, c'est la première fois qu'on participe. On s'est dit, dans le fond, on a fini notre production au mois de novembre dernier. Puis on était un peu déçus d'avoir terminé puis de plus se voir. Fait que là, on dit, hey, on participe-tu à UQTR en spectacle? Ça pourrait être le fun cette année d'essayer ça. Puis on aime vraiment l'expérience jusqu'à maintenant. Donc, probablement qu'on va être de retour l'année prochaine. Ah! Si on peut. Si on est dans le top 2 ou 3. Sinon, là, qui mange là? Non. Décrivez-nous, c'est ça, vos parcours artistiques respectifs. Le regroupement existe depuis, tu disais, une bonne vingtaine d'années. Oui, exactement. Mais vous, en tant que tel, comment est-ce que vous avez commencé dans le domaine? Pour moi, j'ai commencé au secondaire. C'est vraiment ça qui m'a allumé. Puis mes collègues aussi, en fait, ont tous commencé au niveau du secondaire avec les troupes de théâtre parascolaires. Puis par la suite, on a tout fait des cheminements différents au cégep. Puis on a décidé de se retrouver pour justement revivre ces belles années de secondaire-là. Il faut mentionner que Serge Barry, le fondateur et le créateur de ça, il a enseigné à chacun de nous. Donc, c'est un peu une suite de ce qu'on a vu au secondaire, cégep, et on retourne là. C'est fun. Ah! Et vos inspirations, vos influences artistiques, c'est quoi? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Ah, c'est une excellente question. L'influence artistique au niveau du théâtre, c'est sûr que, tu sais, on essaye d'aller en voir le plus souvent possible à Trois-Rivières. On va voir aussi les autres troupes comme le Théâtre des gens de la place, Théâtre des nouveaux compagnons. On essaye de s'inspirer de ça. Puis c'est sûr qu'on regarde, tu sais, on fait tous soit de l'improvisation ou on est dans ces domaines-là, dans ces girons-là. Donc, c'est un peu ça, nos influences, je dirais. C'est vraiment d'aller voir le plus de théâtre possible. On lit beaucoup. Entre autres, pour moi, là, moi, je lis beaucoup de pièces de théâtre. Tu sais, du Michel Tremblay, c'est toujours excellent à lire. C'est bon à voir, mais c'est toujours excellent. Donc, c'est un peu ça, nos influences. C'est vraiment de s'inspirer qu'est-ce qu'on fait en région puis d'essayer de l'apporter à un niveau supérieur. Mm-hmm. Ouais. Et si on parle de vos buts dans le futur, est-ce que ce serait de jouer dans une pièce peut-être de Michel Tremblay dans une grande salle? Qu'est-ce que ce serait, mettons? Moi, c'est sûr que j'ai fait mes auditions au conservatoire d'art dramatique. Malheureusement, je me suis rendue jusqu'à la fin, mais j'ai pas été sélectionnée histoire de casting. Mais j'aimerais ça peut-être réessayer d'ici quelques années de refaire les auditions parce que c'est vraiment un beau monde le théâtre. Puis j'aimerais ça justement pouvoir me perfectionner là-dedans. Donc, c'est un peu ça mon but, je dirais, pour l'avenir. Et c'est sûr de continuer à en faire dans mes passe-temps parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est vrai ça qu'on te souhaite pour le futur. Finalement, ça répond pas mal à toutes nos questions. Ben oui. Pour vrai, t'es super tellement efficace. Merci. Elle nous devance de 3 à 4 questions d'avance depuis le début. Donc, félicitations à Isabelle Bédard qui, en passant, si vous aimez sa jolie voix. Écoutez la Radar Jeunesse les samedis matin. Oui, exactement, de 9h à 10h avec des jeunes du secondaire. Donc, un magazine jeunesse, si jamais ça vous intéresse, de 9h à 10h sur les ondes de C'est fou. Et si ça vous intéresse pas, c'est que vous l'avez pas écouté, parce que sinon, oui, ça vous intéresserait. Bon. Exactement, c'est vraiment cool de laisser la parole aux jeunes. Justement, ils ont des choses à dire, puis c'est le fun de leur laisser le micro pour qu'ils puissent nous exprimer leur opinion. Oui, parce que Mathieu est rendu vieux, puis des fois, c'est comme redondant. On aime ça avoir un peu de jeunesse. Va donc. Va donc. Oh, on s'en va fait des doigts. Et ça repasse les lundis soir, en fin d'après-midi, Radar Jeunesse. Écoutez ça. Et fait d'hiver que j'aime toujours mentionner quand je peux. J'aime le fait que ta pub, c'est « Je me touche dans le parc des trois accords ». Je trouve ça vraiment drôle pour l'émission de jeunesse. Bon, c'est dit. Oui, mais c'est pas. On dit pas les paroles, on les a enlevées, mais c'est juste le beat. Ils sont au courant. C'est ouais, drôle. Ben, c'est les jeunes qui ont choisi la chanson, faut mentionner. Bravo à eux. Bon. J'en ris pas, j'approuve le choix. Donc, on te remercie encore une fois, Isabelle. Merci. Et on retourne à nos deux amis, Joanie et Fanny, les noms finissent en I. Parce qu'Isabelle, bon, gars. Stéphanie, tu sais, ça va? Oh oui. Venez voir le spectacle, absolument. Je suis sûre que vous allez être intrigués par le numéro que Isabelle et ses collègues vont nous présenter. Ouais. Ça va être vraiment cool. Venez voir ça. Fanny, répète-nous la date. Donc, jeudi 13 mars au Cégep de Trois-Rivières à 19h. Exactement. Et achetez, procurez-vous des billets à la coop de l'UQTR ou bien en ligne ou auprès des participants. Venez nous voir. Oui, venez nous voir. Oui. Nous autres, on va être là. Ouais, on va être là. Cool. À l'avance, avant 19h pour avoir des bonnes places. Ben oui, parce que c'est admission générale, donc c'est important. Dépêchez-vous pour avoir les meilleurs sièges. Exactement. Et on va évidemment sur votre site Internet aussi, on peut le rappeler. Exactement, sur la page Facebook, dans le fond, juste à taper UQTR en spectacle, vous allez arriver là-dessus super facilement. Il y a tous les rappels pour les heures, les points de vente des billets, tout ça. Génial. Est-ce qu'on vous retrouve toutes les deux demain ou juste demain? Toi? On vient les deux demain. Les deux? On va être là les deux pour l'entrevue avec Mimi Vanderglo. Oui, Mimi Vanderglo qui va être en performance lors de cette soirée UQTR en spectacle 2014. Donc, Joanie Gagnon, Fanny Saint-Gelais, Isabelle Bédard. Merci à vous trois. Merci à vous. Et à bientôt pour vous deux, puis toi aussi. Merci. C'est ça. On va s'en voir. Donc, toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, à l'émission, il nous reste encore, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Mm-hmm. La coïn des gadgets inutiles. Mm-hmm. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce du CD que tu nous as mis dans le poste d'écoute la semaine passée. Ben oui, c'est le rappel. Fun. Est-ce que tu as une pièce préférée entre les quatre de Pint Arts? Ben là, c'est sûr que tu me montres un chiffre. Tu pourrais peut-être mettre celui-là qui vient d'entrer sur le palmarès. Oui, ben tout à fait. Très bon point. Très bon point. Voyons mon nom. Donc, on s'en va entendre. As-tu vu le nombre de nouvelles entrées? Oui. Imagine la job que ça va être. Elle est en haut, là. Ouais, non, je sais. Pint Arts, Young Summer, 15e place du palmarès anglophone. On écoute ça à l'instant sur Assemblage Requis. Ah, c'est fou. Hey, déjà en 15e. Ça a monté vite, hein, cette nouvelle entrée. Direct en 15e. On y est pas avec la POC, là? Non. On s'achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin, mais tu sais, si ça peut nous faire plaisir. Non, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a resté là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou dans tes oreilles. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Hey, bye-bye, qu'on a une émission chargée aujourd'hui. Ça va très bien. On a du fun, fun, fun, fun, fun. On est mercredi, donc le 12 mars. En fait, on l'est peut-être, dépendant de quand vous nous écoutez. Elle, c'est Stéphanie Parasi. Lui, c'est Mathieu Plante. Il y en a pour qui on est jeudi. Ouais. Donc, j'aimerais ça que les gens ne soient pas trop mêlés, tu sais. Ouais. Ben, en tout cas. Mais regardez, au pire, gars. Sur votre téléphone, c'est marqué la date, là, gars. Hein? Non, mais au pire, on s'en sectue la journée qu'on est. Vraiment, on pourrait ne pas le dire du tout. On est juste à l'assemblage requis, les gens pourraient, tu sais, Vivez le moment présent, puis arrêtez de vous en faire pour des picadilles. Carpe diem, YOLO, man! YOLO! Tu sais, comme dirait Lederhosen, Lucille et Kristen Muir. Avec ça? Et ben, ils disent Two Vikings, là, Two Vikings. Okay. Ils disaient ça, les Vikings, dans le temps, YOLO? Sûrement. Fort probablement. Entrée de Lederhosen, Lucille et Kristen Muir sur leur album Guten Tag Gemini. C'était Two Vikings. Beaucoup de mots. Deux Vikings. Deux Vikings, mais le reste, c'est tout compliqué. T'sais. Guten Tag Gemini. Connais pas. Pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ce que je sais par contre, c'est que j'ai besoin de dépenser de l'argent. Que j'ai pas. Ça me brûle les poches. Que j'ai pas. Non, j'ai une poche. J'ai des poches. Voici, ça existe, ça ne devrait pas, là. Fait que t'as la poche qui brûle. Bah oui. On fire! Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. C'est la chronique des choses qu'on se procure parce que dans la vie, si tu veux te rendre heureux, il faut que tu dépenses de l'argent. On l'entend sur ma bouteille? Attends un peu. C'est vraiment bizarre comme son. C'est probablement le son le plus bizarre que j'ai entendu. Non, ça a l'air louche. Je trouve ça a l'air vraiment louche. C'est une bouteille de plastique dans laquelle on peut sucer du liquide qui a une consistance visqueuse. Mais non, c'est juste vert. Hein? Ouais. C'est pas visqueux. Ça n'a aucun rapport avec le premier gadget que je vous propose, en fait, aucun rapport. C'est Moogies qui change à peu près n'importe quoi en instrument de musique. Donc, tu peux faire de la musique utilisant des choses que tu trouves autour de toi, que ce soit une fenêtre, un pot de fleurs, n'importe quoi. Moogies va vous aider à jouer de la musique avec. Donc, c'est un petit instrument de musique qu'on colle à un objet, bon, mettons un ballon, des livres ou n'importe quoi, un coussin. C'est un concept créé par Bruno Zamborlin. Son sensor du Moogie, d'accord, ressemble un peu à un stéthoscope. Ça fonctionne avec une application sur iOS qui interprète le signal que ça reçoit et qui transforme ça en musique. Ça a l'air d'une idée un petit peu farfelue comme ça. Donc, tu mets le Moogie sur n'importe quel appareil et ça devient un instrument. Donc, tu tapotes à côté, tu le frappes, tu souffles dessus et ça va faire de la musique. Ben, coudonc. Intriguant quand même. Hein? Moi, je sais pas, je suis tellement pas musicienne dans l'âme. Puis en plus, il me donne l'exemple avec une balloune. Tu sais que j'ai peur des balloons. C'est vrai ça. Tu pourrais le faire peut-être sur ta bouteille, comme ça, tu pourrais souffler un peu comme tu soufflais tantôt dans ton contenant de... Je soufflais pas, j'aspirais. Ah, tu vois, j'aurais pu... c'était assis méprendre. Donc, le Moogie, en fait, c'est au pluriel, c'est M-O-G-E-E-S. G-E-E-S. Il y a deux, bon. Qui ramasse d'argent sur Kickstarter où on demande 40$ pour avoir votre propre Moogies. Ça va commencer à être envoyé à partir du mois de novembre. Ensuite, génial, un peu comme la semaine passée, on t'avait parlé de papier collant, de ruban collant adhésif qui pouvait se déchirer à la main. Oui. Ça, la semaine passée, t'avais bien aimé ça. Imagine si tu pouvais écrire dessus comme un post-it et que tu pouvais le détacher comme un post-it après. Ça vient en couleurs jaune, vert, rose et blanc. Donc, c'est sur une roulette, un peu comme du ruban adhésif normal. C'est le même papier que sur le post-it et ça fonctionne avec n'importe quel crayon. Donc, vraiment pareil comme un post-it. C'est ça. Et contrairement à un post-it normal où tu aurais du petit collant seulement sur le rebord, ici, c'est le papier collant au complet. Wow! Donc, on peut étiqueter quelque chose, réutiliser ça. Et puis, le papier va pas faire comme du... Je sais pas, comme tu t'attendrais des post-it cheap, tu sais, qui vont comme retrousser sur le côté. Là. Mais oui. On n'aime pas ça. Celui-là reste droit. Donc, 3M. Mais c'est parce que ce sont des vrais post-it. C'est pas une compagnie comme Bureau en Gros. Si vous avez déjà essayé les post-it de Bureau en Gros, vous savez que ce n'est pas un post-it du tout. Donc, 3M, une compagnie qu'on adore. Toute leur ligne post-it est fabuleuse, dont la colle. As-tu déjà vu la colle post-it? Non. C'est un bâton de colle qu'on peut mettre sur n'importe quel papier ou une carte d'affaires. C'est vraiment cool. Tu peux coller une carte d'affaires dans ton agenda, l'enlever après. C'est cool. C'est fantastique. Hey, je veux tellement ça pour étiqueter mes boîtes lors de mon déménagement. Oui, t'en... Les couleurs sont belles. Oui, c'est du rose, come on. Et puis évidemment, ben, c'est du papier, c'est en format papier collant, donc ça va se déchirer facilement. Tu n'auras pas de découpage dégueulasse. Non, mais ça serait le fun parce que, admettons, je pourrais étiqueter mes boîtes en rose, les boîtes à mon chum en bleu. Ouais. La salle de bain en vert. Tu pourrais y aller pièce par pièce si tu voulais aussi. Non, mais j'ai beaucoup trop de trucs étendus partout. Moi, il n'y a rien qui va tout le temps dans la même pièce. Si ça avait été toi, Rose, ton copain bleu et puis les affaires qui sont à vous deux en mauve. Hein? Oh, c'est hein? Fort. Oh, je l'ai trouvé pour le vert. Ça va être les affaires de mon chat. Tout au chaton. Avant moi, c'est une petite boîte avec ses petits post-it. Donc, pour un rouleau donc de 400 feuilles de papier post-it, post-it full adhesive roll, ça coûte 7$ chez Amazon. Ensuite, ah tiens, quand tu veux accumuler de l'argent, ce que je sais pas faire apparemment, parce que je suis un gars endetté comme pas un et j'ai aucune économie, donc tu sais, si mettons je perds ma job, ben j'ai plus rien. Je vais peut-être devoir acheter cette banque-là, qui est une petite banque, un peu comme le jeu Plinko dans Mise est juste, là, Price is Right. Mise est juste! Ben, dépendant de la version que vous avez écoutée, Price is Right, j'aime dire les mots en français. Même. Price is Right? Non, mais c'est le vrai nom, c'est ça, c'est The Price is Right. Enfin, au Québec, récemment, leur version récente avait été Le Price is Right, à vous de jouer. J'ai jamais aimé ce nom-là. C'est bon. Bref, Plinko, on connaît tous ça. C'est une machine qui ressemble à Plinko avec des petits clous dans le milieu. C'est vert et jaune, très, très rétro. En haut, t'as un gros signe de pièce. Et en bas, t'as deux petits tableaux blancs et un crayon. Et tu peux écrire, mettons, bon, tu sais, de l'argent pour aller à l'université ou peu importe ce que tu veux faire quand t'es jeune enfant. Ou encore, mettons, voyage au casino, peut-être, t'sais. Et ben, tu laisses tomber ta pièce de monnaie dans la petite fente prévue à cet effet. Ah, puis le destin choisit où vont aller tes économies. Oui. Et t'as pas Philippe Bond pour te gosser. J'aime ça. C'est fabuleux. Ça devrait venir avec un petit genre de bubblehead de Philippe Bond, c'est parfait. Donc, la 50-50 Bank, allez-y. Ensuite, parlant d'argent et parlant de Philippe Bond, lui qui a tellement de jobs à V, à chaque saison, il y a une job différente à V, donc j'imagine qu'il va pouvoir accumuler beaucoup d'argent et s'il n'y en a pas assez pour compléter, il va pouvoir s'acheter des scènes noires de plastique. Un emballage de 100 pièces de monnaie noire, brune. Pourquoi noire, brune? Bref, pour vider tes poches, hein, tu sais, à la place de vider tes poches, parce qu'il n'y en a plus de scènes noires au Canada, là. Donc, ça nous manque de mettre nos scènes noires dans un petit contenant. Ben à la place, oui. Tu vas pouvoir prendre tes scènes de plastique de scènes noires et les sacrer dans un bol. C'est parfait. Hein? Hey, come on! Tu dois dépenser 3,50$ pour acheter cet emballage de 100 pièces de monnaie fausses, évidemment. Ça vaut plus que les vraies scènes noires. Ben ouais, c'est ça, hein? Mais bon, et ça sert plus à rien. Ensuite, tiens, côté meubles maintenant, on y va côté looking, lookage et design de meubles, si on veut. Donc, c'est un design de Studio Badini Cream Team, voilà. C'est la Trip Pixel Collection qui couvre des meubles français de gros portraits pixelisés. C'est donc bien bizarre. C'est vraiment bizarre. Un peu comme dans des JPEG dans le temps quand c'était beaucoup trop compressé. Donc, t'as la juxtaposition, si on veut, du moderne et du classique. Évidemment, dû à la nature des images pixelisées, quand vous allez être de loin, vous allez voir la photo comme si c'était une vraie photo. Et de près, vous allez voir seulement les pixels. C'est comme ça que ça fonctionne, les pixels. Mais je trouve ça cute quand même. Je sais pas si quelqu'un s'affite dans son décor. Je pense pas. Je sais pas. Moi, honnêtement, ça me perturbe beaucoup trop. C'est un peu le même principe que... la pub télé où il y avait le buffering, là, comme on dit en français, de la mise en tampon. La semaine passée dans le bloc pub. Oui, c'est ça. Donc, moi, ça me perturbe trop quand c'est à l'extérieur de son domaine. Tu veux pas voir ça à temps plein. Tu veux pas dormir dans une pièce où t'as une image JPEG mal compressée. Non, j'ai l'impression que j'ai comme besoin de cligner des yeux. Oui. Ou faire un refresh. Tu veux faire du command R dans ta tête tout le temps. ensuite, déjà, tu es obsédé par le command S pour sauvegarder tes affaires. Ah, l'enfer. Non, contrôle, parce que moi, je suis sur un PC. Oui, arriéré, excuse-moi, t'as raison. C'est pas hey, je m'excuse, hein? C'est les environnements bureaucratiques de C'est fou. Ensuite, micro pour karaoké. Ah, je crois qu'on a déjà parlé d'un gadget similaire, mais celui-là, je l'ai trouvé quand même le fun. C'est le Noiseless Karaoke Mic. T'aimes le karaoké, tu veux chanter, mais ta voix est pas très bonne. Tu déranges tes voisins, tu déranges tes colocs peut-être, tu déranges ton chat. Tabarnouche. Donc, tu veux continuer à chanter du karaoké, achète-toi ce micro-là. Tu places ce genre de masque à gaz, si on veut, similaire à ça, sur ta bouche et tu peux crier tes chansons comme un soulon. Ah! Mais personne t'entend. T'es sûr que personne n'entend? Ben, en tout cas. Ça a pas l'air hermétique. Ça dépasse en dessous du menton. T'as raison. Ça a vraiment pas l'air hermétique du tout. Ça fonctionne avec une application pour iOS et on branche cette affaire-là dedans et puis les paroles apparaissent à l'écran. Android et iOS. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas juste iOS, là. Il y a PC aussi, même. Même PC. Même PC, même. Ça va juste que là, on s'arabaisse à ce niveau-là, il y a un PC. quand tu caches ta clé de ton appartement, bon, tout le monde connaît les endroits classiques pour cacher une clé. Bon, tu vas avoir, mettons, une fausse roche. Sous le paillasson. Sous le paillasson, dans le barbecue. Sous la plante. Au fond du bac à recyclage. Ah ouais? Il y en a plein, mais je sais pas, ça a l'air intelligent. Je sais pas, elle est où, toi? J'ai pas de clé cachée. En fait, c'est chez les beaux-parents. Ouais, c'est ça, nous autres aussi. Bref, si vous avez besoin d'un endroit où cacher votre clé, ben, Colin, les petits sprinklers à eau sur votre terrain pourraient servir parce qu'on a réutilisé des sprinklers, OK, des têtes de sprinklers, pour convertir ça en contenant à clé. Ah! C'est génial, c'est le Sprinkler Head Heideki. Qui est fait, comme je disais, à partir d'une vraie taille de sprinkler. C'est à l'épreuve de l'eau et ça protège vos clés et n'importe quoi d'autre que vous les mettez dedans. C'est 7,69$ sur Amazon. L'idée est bonne. Ouais, mais tu mets ça où après? Dans le sol. Tu sais, une taille de sprinkler, c'est dans le gazon pour pouvoir arroser. Donc, tu insères ça dans ton gazon, ailleurs sur le terrain, dans un endroit stratégique pour que ça ait l'air d'une taille de sprinkler. OK, mais il faut vraiment que ça soit une clé pour te démerder, là. Parce que tu vas pas creuser ton terrain à chaque fois que tu veux ta clé. Non, mais si tu fais ton petit trou pour ta fausse taille de sprinkler, qui est peut-être genre quelques centimètres de profondeur, il y a un petit couvercle qui se dévisse. Donc, tu vas aller sur ton terrain à un endroit, évidemment, caché peut-être derrière un buisson. Et puis, tu vas juste dévisser cette affaire-là, prendre ta clé. Elle sera pas mouillée. Il y a pas vraiment d'eau qui va toucher à ça. C'est hermétique, c'est à l'épreuve de l'eau. L'eau va juste couler dans le gazon à côté. OK. Moi, je trouve que ça a l'air quand même assez intelligent. Ben, je sais pas. Je suis pas du genre à cacher des clés nulle part. Non, ben moi non plus. Et on n'est pas tous du genre à avoir un arrosoir automatique sur notre terrain. Ouais, non, c'est ça. Toi, ça serait vraiment louche. Vraiment, une petite cour de genre quelques mètres carrés. Ensuite, pour ceux qui trouvent que leur clavier de Mac ou... En fait, j'imagine peu importe, mais je pense que c'est vraiment spécifiquement fait pour la grandeur des touches sur un clavier de Mac. C'est pas assez écologique. Ça a pas l'air assez... boisé, extérieur, granola. Donc, achetez donc du... C'est pas granola, c'est plus comme... Je manque mes mots, mais c'est pas granola, là. Non, c'est juste quelqu'un qui aime l'extérieur, ça. Ouais. Qui aime le bois. Ouais. Qui aime le bois. Donc, du coup, de recouvrir vos touches de clavier de bois, c'est les Engrain Tactile Keys. C'est fait à la main. C'est des autocollants pour votre clavier Apple Wireless, donc sans fil. La version grande et la version petite. Il y a deux versions de ce clavier-là. Donc, qui sont faits de bois. Ça s'affrasse. Et d'adhésif 3M, pareil comme les post-it. Donc, c'est assez solide, la colle, pour tenir sur le clavier quand vous tapez. Et assez décollable pour pouvoir les enlever facilement grâce à 3M. C'est disponible donc sont fabriqués à la main, comme je disais, à Brooklyn, New York. C'est disponible dans différentes configurations de clavier aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie, en russe et en arabe. Donc, il n'y a pas encore de clavier francophone, mais on s'entend que la plupart des claviers qu'on achète dans les magasins, ben pas la plupart, mais certains claviers sont de toute façon américains. On est capable de comprendre. On sait où sont les touches. Le accent aigu est à côté du chiffre à droite. Là. Ben moi, c'est le clavier francophone. J'ai de la difficulté à travailler avec ça. Avec trop d'accent grave sur le U, genre, sur mon clavier de mon Mac canadien francophone, un U accent grave. Je veux dire, t'as pas besoin d'un U accent grave. T'as une touche accent grave que tu combines avec un E, un A et un U. Non, parce qu'on s'entend que le U avec l'accent, là... Combien de mots utilisent ça, là? Un. Lequel? Le ou? Ouais, c'est ça. Pas mal tout. Ben, vite de même, là, j'en vois pas d'autres. Donc, pourquoi faire une touche pour ça? Je ne comprends pas. Donc, tout ça, évidemment, sur Internet, disponible pour se le procurer via le site de Michael Rupinian Design. 98 $. Champêtre. C'est ça que ça fait, champêtre. Le clavier en bois. OK, je pensais qu'il y avait un U accent grave dans champêtre. J'étais comme, attends, je suis perdu. Mais là, OK, c'était ça le néant que j'ai vu dans ton regard. Wow. 98 $ pour l'ensemble et 118 $ pour le clavier plus large avec le pavé numérique. Est-ce que c'était comme frappé dans la face avec ton micro? Oui, mais c'est pas le même que d'habitude. Je suis perturbée. J'ai levé ma main, je me l'ai juste comme mis la mousse dans l'œil. Aïe, aïe. Sans commentaire sur la forme phallique du micro dans ta face. Ah, oh, franchement, t'es tellement immature. Tellement déplaisant. Ensuite, tiens, t'es à ton ordinateur, t'as une souris et t'as envie de prendre des photos ou peut-être scanner un code barre ou faire un selfie ou quelque chose comme ça. Donc, t'es devant ton ordinateur, t'as pas de caméra, tu peux pas aller de l'autre côté de la pièce aller chercher ton téléphone ou ta caméra. Il te faut la caméra mouse, évidemment. Vous la tenez devant vous, c'est une caméra 2 mégapixels. Deux beaux gros mégapixels. Deux? Ouais, on recule vraiment des années 90 environ. Donc, à l'intérieur de la souris, et tu peux donc scanner ton code QR, faire ce que tu veux avec ta caméra mouse. Quand tu as terminé, tout ce que tu as à faire, c'est brancher ta souris dans l'ordinateur. Si elle n'était pas déjà pour la fonctionnalité souris, j'imagine peut-être qu'il y a un fil différent pour juste... Je sais pas, puis une souris sans fil... En tout cas. Ouais, non, on s'entend que c'est vraiment le pire gadget. Ça se vend pour 60 $. Arc! C'est beaucoup trop. Puis je comprends même pas c'est quoi qui prend en photo. C'est comme une boîte en carton avec deux yeux et puis une bouche. Hey, hein? Des gadgets. Les gens veulent faire de l'argent puis ils pensent que ça va marcher avec une souris qui prend des photos. Pas sûr. Ensuite, tiens, quand tu manges des chips, des croustilles, des crisps, comme diraient les Britanniques, t'as besoin de salsa sur le côté, t'as besoin de salsa con queso, je dirais même. Il te faut la dip clip. Dip clip, il y a juste une petite clip en forme de bol qu'on attache sur le côté. Ça devient comme un copilote de la saveur, si on veut. Donc, c'est pour mettre vos accessoires à nourriture, comme certains pourraient dire. Donc, parfait pour peut-être, je sais pas, mettre de la petite sauce piquante pour vos ailes buffalo, mettre des je sais pas, n'importe quoi pour être bon pour ça. Du poulet avec de la sauce brune, salade de choux. C'était pas supposé être des chips? Peu importe, ça peut être n'importe quoi, c'est ton cœur qui décide. Oh! Ton cœur décide. Ça pourrait être des biscuits pépites de chocolat avec du Cool Whip. Ça pourrait être des pépites de chocolat dans le bol principal et des pépites de chocolat additionnelles dans le petit bol d'à côté, tu sais. Ça donne un rien. Ben pourquoi pas? Jamais trop. Et ta Cool Whip, tu la mets juste dans son contenant de Cool Whip, puis tu la mets directement dans la bouche. Ah, pshhh! Voilà. Du Cool Whip, ça se push pas. C'est un bol congelé. Excuse-moi, mais la Cool Whip est aussi en spray maintenant. Non, mais moi, c'est parce que c'est juste la congelée qu'il faut que tu prennes. Ah, c'est pas pareil, la saveur est pas pareil. Je le sais pas. Pourquoi tu t'obstines à chaque fois? Je sais pas. C'est la congelée qu'il faut que tu prennes. OK, là! Ça va faire? Rien de t'obstiner, c'est moi qui l'ai, là, l'idée de Cool Whip. OK, je vais l'acheter. Juste parce que tu m'as dit ça, je note ça et j'envoie le message à qui de droit? Maria. Cool Whip congelé à l'épicerie. Okay? Avec des biscuits aux pépites de chocolat, des chips ahoy ou des chips ayoy. Des chips ayoy. Voilà. Hey, c'est tout pour la première partie, on vient avec une deuxième tantôt. Hein? Ouais, je vais dépomper, là. Ben là, calme-toi. Pendant qu'on s'entend une nouvelle entrée de Dear Criminals. En fait, parce que c'est pas indiqué c'est quoi le numéro de la pièce, je sais pas. On va aller sur une autre affaire, on va y aller avec quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie du côté francophone. On apprécie, j'imagine, pas mal nos amis de Grenadine qu'on n'entend jamais. Ça fait vraiment longtemps, je pense que ça fait au moins deux mercredis, parce que je dois l'avoir joué avant la chronique de Très bien Alexandrine. Donc on s'en va entendre leur pièce Bonjour Tristesse, et après ça, une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Je ne suis pas de celles qui reviennent. Je ne suis pas issue d'un de tes mirages. J'y ai appris, je regrette. Mais moi quand je reste, j'y pense à deux fois. Car on peut se défaire et s'enfuir. retiennent. Je ne suis pas issue d'un paysage. J'y ai appris, je regrette, mais quand je reviens, j'y pense à deux fois, car vaut mieux se taire que de s'annoncer. Grenadine, bonjour, tristesse. Assemblage requis, c'est dans le palmarès francophone. Je pense que ça l'a peut-être quitté, par contre, mais bon. Qu'en sais-je? C'est toujours la chronique « Ça ne devrait pas, on l'a », où on parle de gadgets complètement inutiles, certains plus que d'autres. J'essaie des fois d'en sortir quelques-uns d'utiles une fois de temps en temps. Par exemple, ce joli petit ensemble de pièces Lego pour charger votre iPhone. Pour charger votre iPhone, Steph! Oui! C'est construit à partir de matériaux très légers. Attends. Est-ce que je peux charger mon iPod? Oui. OK. Tu peux charger, en fait, je te dirais, pas mal n'importe quel téléphone de la façon que je vois ça sur l'image ici. Donc, c'est le Koi Plus Power Brick qui vient avec un battery pack de 4200 mAh et 4 briques Lego officielles qui peuvent être attachées à cette base-là qui est comme une genre de planche Lego plutôt épaisse comparée aux plus minces des Lego traditionnels. C'est des plaques Lego vertes qu'on connaît, c'est très, très mince. Oui, les planchers. Les plans, exactement. Les planchers. Donc, on peut attacher ces 4 morceaux-là de Lego à l'endroit où on veut sur le bloc Lego principal pour pouvoir justement attacher ton appareil préféré dessus. Donc, tout ça est compatible, connectable avec des mini-figurines. Donc, vraiment, tous les blocs Lego traditionnels fonctionnent dessus. Donc, vous pourriez mettre des petits bonhommes Lego qui s'assoient sur votre rack. Cool. Donc, tout ce que vous avez est approprié. Les possibilités sont sans fin. C'est un design portatif. On le voit ici avec un téléphone Sony. Donc, oui, ça fonctionne avec n'importe quoi. Koi Plus Power Brick, disponible pour précommande à 49$. La base est rouge dans la photo que je vois là. Je me demande s'il y a d'autres couleurs sur le site de Brando. Oui, il y a d'autres couleurs. On retrouve rouge, jaune, bleu et blanc. C'est cool! C'est en spécial. Les précommandes vont être envoyées au milieu du mois de mars. Donc, ça s'en vient très, très bientôt. Normalement, le prix est de 65$. Présentement, c'est à 50$. Donc, lancez-vous sur l'offre. Mais je trouve que la hauteur des blocs pour tenir le téléphone debout, par exemple, je trouve que c'est pas beaucoup. Je me demande si c'est vraiment stable. Je me le demande aussi, en effet, je sais pas. Mais c'est très beau. J'imagine qu'ils ont, j'espère, pensé à leur affaire, surtout pour ce prix-là, parce qu'on s'entend qu'une planche Lego et des morceaux de Lego, 50$ pour quelque chose aussi petit que ça, il me semble que c'est cher. Ouais, mais des Lego, c'est cher. C'est vrai que c'est cher. C'est vrai. Ensuite, tiens, on reste dans le domaine des iPhones et autres téléphones cellulaires. Les vibrations sur les routes à Trois-Rivières, vous le savez, alors là, des routes particulièrement miteuses. Miteuses. Pour vrai. C'est rempli de bosses, on n'aime pas ça. Docteur Zudong Wang. C'est drôle quand t'as deux noms d'engins masculins dans le même nom. Dong et Wang. Il y a vraiment deux surnoms, deux euphémismes. Bref, Dr. Zudong Wang de l'Université du Wisconsin a parlé, a travaillé avec les gens, les chercheurs de l'université Sun Yat-sen en Chine. Leur but était de trouver une façon de s'approprier, de rendre importante et utile ces bosses-là de la route. Donc, ils ont développé un chargeur qui génère de l'énergie à chaque fois qu'on le bouge, à chaque fois que ça vibre. Donc, le nanogénérateur profite de ce qu'on appelle un matériau polymère piézoélectrique nommé le polyvinylidene fluoride, ou le PVDF. C'est beaucoup trop de grands mots pour moi. Bref, ça se sert de la vibration sur la route pour charger votre appareil. Donc, on ne sait pas encore quand ce concept-là va sortir dans le commerce, dans les grands magasins, mais c'est un concept qui s'en vient. C'est un petit film, donc un genre de film, je ne sais pas si c'est transparent, mais de PVDF, qui va utiliser cette énergie-là pour l'envoyer dans votre téléphone. Ben, sais-tu, je pense que ça serait pas long que ça serait chargé ici, hein? Pour vrai, à Trois-Rivières, hein? Merci, monsieur le maire. Votre soupe aux tomates. On a déjà fait cette blague. Ensuite, on aime tous faire du camping. Moi, j'aime pas ça, mais je disons on aime que tous sauf toi. C'est tous ça. Sauf moi, c'est ça. Disons que tout le monde, en général, aime le camping ou aime peut-être l'armée aussi. Tu sais, dans l'armée, on dort sur des cots qu'on appelle des petits lits, genre vraiment super minuscule, minimaliste, si on veut. On a tous déjà vu ça, des army cuts. Et inconfortable, probablement. Inconfortable. Mais si on veut vivre ça à la maison, il vous faut le two-person portable camping bunk bed. Ça ressemble donc à ce qu'ils ont dans l'armée, mais c'est fait pour le camping. Construction avec des barres d'acier très, très solides. Une surface pour coucher qui est faite de polyester résistant aux moisissures, lavable à la machine, super heavy duty à 600D. Je connais absolument pas le polyester 600D, mais ça a l'air assez solide. On dit qu'on peut dormir avec deux adultes et c'est vraiment superposé. Donc, il y a une limite de 230 livres sur le lit d'en haut et le lit d'en bas, un autre 250 livres. Ça se plie pour se mettre dans un sac de camping et on peut l'utiliser comme genre d'espace, peut-être pour inviter. Mais quoi que, moi, si je proposais ça à un invité, je pense qu'un invité dirait, gars, je vais aller prendre une auberge de jeunesse. Ou... Non, non. Sacrifie-toi. Je vais emmener ma propre tente, ça. Genre, ouais. J'aime bien coucher sur ma tente. Ouais. Denise. C'est ça. Ouais. Bref, c'est ça, ça coûte 165,49$ chez Amazon. C'est le two-person Purple Camping Bag Bed. 165$. OK, je comprends le commentaire qu'il y avait juste en dessous qui disait ça n'a pas l'air sécuritaire ou solide. Non. Je te conseille d'investir ce 165$-là dans une plus grande tente. Exactement. Ça, c'est la sagesse des visiteurs de ces sites-là. Dont les liens sont sur assemblagerequis.com pour ceux qui cherchent comme toujours. Ensuite, tiens, on parle de nourriture maintenant. Des shooters, c'est bon. Ouais. Des shooters dans un shooter de chocolat. Ça, c'est bon en tabarouette. Ah, ceux qui ont la dent sucrée et qui aiment se souvenir. Moi. Ah, et toi? Toi, aux deux questions. Il te faut les chocolate shot glasses. Donc, des shooters, des verres à shooter mangeables, décadents, moulés de cacao de qualité qui provient d'Amérique du Sud et de Madagascar. Ça vient en chocolat très noir foncé, donc avec un grand pourcentage de cacao, et chocolat au lait, parfait pour faire des shots, des shooters de rhum et de liqueurs fortes. Peut-être pas de liqueur, je sais pas. En fait, pas mal toutes les liqueurs pourraient être avec du chocolat, non? Non, probablement pas, mais tu sais que ça se vend déjà, comme ici. Ah, je sais pas, non? Pour le Porto. Ah oui? Pour boire ton Porto dans les petites coupes en chocolat. Chocolat noir? Ben oui. Ah ouais? Ah ben, quand même. Donc, chocolate shot glasses, allez-y. Si vous en trouvez dans les commerces, est-ce que tu as des magasins en particulier que tu as vu ça? IGA. Ah, oh, ouais. Ben sans oui. Blague. Ah, oh, ça, je savais pas ça, par contre. Je IGA, regarde pas aux bonnes places. IGA place, ou mais... autre épicerie. Je ne regarde pas aux bonnes places, mais bref, chocolat noir, chocolat blanc pour 10 livres sterling. Donc, allez vous commander ça et vous allez aimer ça. Sinon, ben, allez-y dans une épicerie, ça va coûter moins cher, sûrement. Malgré qu'ils ont l'air quand même très solides. Et ils sont beaux. Bon, en fait, tu pourrais sûrement te faire pas mal de shooters avant d'avoir à manger ton vase. Je pourrais me faire un sourpuss. Puis à la fin de la soirée. Avec du chocolat? Oui, non? Non, dégueu. Ah, moi, je non. mélange les jujubes. Non. Pas amère, comment on appelle ça? Surette. Non, c'est dégueulasse. Sans cesse, j'adore. Quelle idée de bouette. Ben, ça va être. Moi, je suis comme un avant-gardiste, là, gars. Le sucré salé, là. OK? Tu sais, c'est rendu à la mode maintenant. Qui dit que dans 10 ans, ce sera pas la mode surette chocolat? On sait pas, là. C'est pour arriver. Non. Non. Non. Ensuite, tiens, on a parlé la semaine passée, tu te rappelles d'une pomme de douche qui te disait la température? Avec une petite lumière qui disait rouge, vert, etc. Elle disait rouge. C'est quoi? Veuillez passer à la caisse 5. Et j'ai juste allé chez Walmart à cause de ça. Bref, on parle encore d'une pomme, mais pas de douche. Est-ce qu'on peut dire une pomme? Est-ce qu'on peut dire une pomme déviée? Non. Non, d'accord. Robinet dévié? Ben, un robinet, là. Ça te va, ce robinet dévié. Mais Dual Faucet. Dual Faucet. Donc, c'est vraiment deux jets d'eau qui descendent en même temps et qui viennent se mélanger ensemble. Tu sais, dans une salle de bain, normalement, l'eau chaude et l'eau froide se combinent pour faire de l'eau tiède et tu ne vois pas le processus. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ben oui, à chaque fois, je me fais comme « Ah, mon Dieu! » C'est ça, y a-tu des nains dans mon évier qui viennent me donner un petit peu d'eau chaude puis un petit peu d'eau froide ou quelque chose d'inapproprié comme ça? Donc, ici, le Pavati Tap Faucet Design, c'est la magie devant vos yeux. Donc, c'est un robinet en forme de Y dont l'eau coule visuellement séparément. Ça fait une belle petite chute. Mais l'important, c'est que ça se rejoint dans le milieu. Ben oui, c'est ça. Oui. Parce qu'il y a souvent des toilettes publiques vraiment horribles. T'as le robinet d'eau froide d'un côté, le robinet d'eau chaude de l'autre. Fait que t'as pas d'eau tiède. T'as juste soit glacé ou brûlant. C'est quoi, faut que tu flaques avec tes mains de bord. Oh, c'est n'importe quoi. Non. Mais on dirait que je comprends pas par où t'ouvres le robinet. C'est exactement ce que l'article de craziestgadgets.com le demande. C'est pas très, très clair. Peut-être que tu tournes le dessus. Ben non, parce qu'il est droit pendant que ça coule. Penses-tu que les pitons rouges et bleus, il faut que tu appuies dessus? Ça se pourrait. C'est ça. On va l'expliquer un petit peu. En effet, ça ressemble à un genre de on dirait deux cornes, très, très prismes, genre style courbé. Et il y a un petit indicatif bleu et rouge de chaque côté. Il y a comme une ligne à une certaine position, mettons à 10% du haut. Donc, d'après moi, peut-être que quand il est fermé, il est droit. Et quand il est ouvert, il est aussi droit, mais comme de l'autre sens. Tu fais peut-être un 180 degrés. Fait que tu peux pas choisir la pression que tu veux de ton robinet. Ben peut-être que là, étant donné que c'est un concept sur la photo ici, je pense pas que c'est une photo dans la vraie vie. Apparemment, que, en tout cas, ça parle de... Peut-être que c'est de la vraie eau, mais moi, je doute que c'est de la vraie eau. Ben non. Peut-être qu'ils ont justement mis les boutons droits pour la photo, alors que dans la vraie vie, quand c'est ouvert, il croche. C'est ça. Mais quand tu le fermes, c'est droit, peut-être. Non, c'est laid. Bref, c'est ça, c'est le designer. Et Salmon Norgie, j'aime ça, un gars qui s'appelle Saumon, ça. Saumon fait du bien. Donc, c'est très, très beau. Voilà. Ensuite, la nuit, le soir, quand je sors de la chambre ou quand... moi, des fois, je prends ma douche après que ma copine soit couchée. Donc, je ferme les lumières et là, Colin, je me pète le pied contre le cadre de porte. Il n'y a rien de plus détestable que ça. Une veilleuse, t'as pas pensé à ça? Ben, j'ai pensé. Je me suis dit, une veilleuse, ce serait cool. Mais bon, des fois, peut-être que ça éclaire trop. Je sais pas où magasiner ma veilleuse, tu sais, je sais pas. Tu sais, je suis bien fancy, bien sélectif sur mes affaires de gadgets. Donc, il y a un projet Kickstarter qui est la solution à tous ces problèmes-là. C'est la SnapRaise Guide Light de Snap Power, c'est le nom de la compagnie, qui ressemble à un truc normal qu'on met dans son... en fait, c'est ça. Oui? Ouais. C'est un petit peu dur à expliquer. Il faut comme que tu enlèves ta plaque puis tu ajoutes ça à l'intérieur de l'affaire, OK? À l'intérieur de la plaque. Sauf que tu n'as pas besoin de changer les connexions. Tu n'as pas besoin de connaître l'électricité. Ce que tu as à faire, c'est ajouter ça à l'intérieur de ta plaque. De courant, de prise de courant. On se comprend okay. Là-dessus? C'est compliqué quand même. C'est basé sur une technologie propriétaire, donc c'est-à-dire qu'ils ont un brevet là-dessus. Et ça permet à l'appareil que tu ajoutes dans la prise de courant d'extraire de l'électricité de la prise de courant sans avoir à changer les fils de place ou même occuper une prise. Je sais pas comment ils font ça, mais il y a une technologie qui s'approprie le courant dans l'affaire. Bon, je connais pas ça, je suis pas électricien. Mais il y a un light sensor, donc un truc qui détecte la lumière. Et quand il fait jour, évidemment, la lumière s'éteint. Quand il fait noir, la lumière s'allume. Tout ça en utilisant seulement 5 milliampères d'électricité. Et ça coûte seulement quelques cents à opérer par année. Ah, ben c'est intéressant. C'est vraiment le fun. SnapRaise Guide Light qui a rencontré ou atteint son but sur Kickstarter en dedans de 2 heures. Oh! T'as 30 jours d'habitude, genre? 2 heures! Et on s'attend à ce que ce soit envoyé en mai 2014. Mais c'est très beau, sauf que je me demande, vu que c'est éclair vers le bas, oui. Je me demande si ça éclaire assez. Là. Peut-être faut que tu t'en mettes à toutes tes prises, là, c'est vraiment cool. Sûrement, mais comme je voyais, les prix, c'est 12$ qu'on demande sur Kickstarter pour avoir votre propre guide light. Donc, t'as différents styles, là, je m'aventurerai pas dans qu'est-ce que ça veut dire. 24 pour 3, 40 pour 5. Donc, c'est pas si cher que ça. Si t'as 40$ pour avoir 5 de ces affaires-là, t'en mets peut-être, mettons, 2 dans la chambre à coucher, 1 dans le corridor. Tu sais. Ben non, pas dans la chambre. Non. J'ai pas de veilleuse, j'ai pas de lumière dans ma chambre quand je dors. C'est là que je me pète le plus souvent le pied, mais c'est sur le bord du lit. Mais ouvre la lumière? Non, ma copine dort. L'histoire tantôt, hein, je prends ma douche pendant que ma blonde dort, après ça, je m'en viens. Mais come on, hey! Je suis maladroit, man. Mais non, mais moi, j'ouvrirais la lumière, puis il mangerait de la... Ben oui, ça fait 1 heure qu'il est endormi, puis j'ouvre la lumière en face. Mais une petite lampe? Ben j'avoue que je me sers souvent de mon iPhone comme lampe de poche. Bon. Non. Fait que je suis quand même pas incompétent, là, mais ces petites veilleuses-là seraient cool quand même. Bon, bref. Tiens, est-ce que tu joues au golf? Un dernier. Ben non, je joue pas au golf. Non, mais des lumières, des balles de golf avec lumière LED qui s'allument quand tu frappes dessus, restent allumées pendant 8 minutes et devraient rester assez longtemps allumées pour que tu puisses les retrouver. Comme ça, tu vas pouvoir jouer au golf dans le noir. C'est dangereux. La batterie dure 40 heures, ça coûte 30$. C'est tout pour ça que ça te devrait pas, là. On est du fun quand même. Longue chronique. Mais ça, c'est le fun, ça, la balle dans le front, t'as voué venir. Oui. Mais encore là, je suis très maladroit, fait que je suis capable de te l'envoyer dans le front, puis tu t'en rendrais pas compte, je suis de même. Mais il y a une lumière. Sous-estime pas ma capacité à vouloir t'envoyer une balle de golf d'en face une fois de temps en temps. Mais arrête donc, tu vises comme une fille. Mais encore là, c'est vrai, maladroit et lance comme une fille. J'ai toutes les qualités, mesdames. T'attrapes comme une fille aussi. Aussi, je fais tout comme une fille, sauf avoir une valise. Comme les filles du banquier. Voilà pour Assemblage requis. On se retrouve demain. Mais avant de parler de demain, parlons d'aujourd'hui. Hein. On remercie Cindy Gilbert qui était là pour sa collègue Activer votre santé. Joanie Gagnon, et Isabelle Bédard et Fanny Saint-Gelais. Je les ai eu. Hey, t'es bon. Donc pour parler de QTR en spectacle. Sinon, on se retrouve demain. Et demain, qu'est-ce qu'on a? Véronique Mire qui va être enfin de retour pour... Hey, ça va être le fun! Ça fait 2 mois, je pense qu'on l'a pas vu, pour la lettre H dans le Véronictionnaire. Ensuite, François Landry va venir nous jaser de politique dans sa réputée chronique Logocratie 101 et on va se faire un potluck de co-animateurs avec la bouffe et la malbouffe de la semaine. On est prêt, le retour de la bouffe de la semaine proper, là. On va vraiment recommencer proper, ça. Ouais. Comme dans le bon vieux temps. Donc c'est demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Passe une très belle journée, c'est Philippe Paradis. Mais toi aussi, Mathieu Plante. Merci d'avoir été là, puis c'était le fun avec toi. Ah, oh, cool, ouais. Merci. Passe une bonne émission. Toi, c'était pas si le fun que ça avec toi, mais c'est correct, pareil. Ah, j'entends l'orchestre qui joue trop fort, puis qui veut que t'arrêtes de m'insulter. Je vais revenir pareil. À demain, Steph.